Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour chers amis, bienvenue sur ce 11e épisode de notre première saison de Démocratie Participative, le podcast que j'espère maintenant vous connaissez, en tout cas qui gagne à être connu, et qui est un point de vue somme toute très consensuel hein, sur l'actualité. Alors, vous pouvez, et là je vous y invite immédiatement, nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Alors c'est très simple, hein, Démocratie Participative, vous tapez dans les deux plateformes, hein, que ce soit Facebook ou que ce soit YouTube, vous les trouverez. Et par notre page Facebook, vous pouvez nous envoyer des messages privés, on en reçoit, hein, des gens qui nous font des observations, des conseils, qui nous envoient aussi des informations. Ça c'est toujours bienvenu, hein. Quand vous avez des sujets, proposez-les, n'hésitez pas. Et puis notre email, démocratie participative en un seul tenant, un seul mot, il n'y a pas de tiret entre démocratie et participative, @mail.ru, et pas d'accent sur démocratie. Donc démocratie participative, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Envoyez-nous vos messages, ils sont toujours les bienvenus. Alors, aujourd'hui, j'aime autant vous dire que ça va. Je pense que les sujets vont vous plaire, je pense. Mais avant cela, je vais présenter nos participants. Il y en a un nombre conséquent et je m'en félicite. On va commencer par Derrick. Derrick, le plus muniquois des méridionaux. Comment vas-tu, Derrick? Ouais, salut Gandalf, ça va très bien. Alexis, est-ce que ça gaze, Alexis? Pas mal du tout, salut à tous. Fulbert, le Belge le plus calme, le plus pacifique, le plus modéré de Belgique. C'est faux, je m'insurge. Bonjour à tous. Argyle, salut Argyle. Salut, salut. Tes prestations sont particulièrement appréciées, j'aime à te le faire savoir. Ouais, envoie-moi les adresses des groupies, s'il te plaît. Oui, non, mais attends. Chaque chose en son temps, n'est-ce pas? MacDav, comment vas-tu? Bonjour à tous, chers amis, ça va très très bien. Très bien? Vraiment? Oui, très très bien. Bon, il y a quand même de plus en plus de nègres en France, mais bon, c'est bon. Malheureusement, c'est une misérature. Le marché est porteur, je confirme. Oui, pour il va falloir ouvrir des permis de chasse. Je ne sais pas. Pour que je sais quoi, je ne sais pas. Poporovitch, comment vas-tu, Poporovitch? Shalom alaikum, eh bien ça va, ça gaze. Alors moi je tire mon chapeau à Porovitch parce que Porovitch c'est un petit peu le gars qui nous a fait notre deuxième partie d'émission que je pense particulièrement pertinente sur Calais. Et c'est lui qui est un petit peu l'âme de cette émission aujourd'hui et je tiens à lui tirer mon chapeau. Et on va tout de suite entamer notre émission. Alors, première rubrique, autisme radical, vous êtes familier de l'affaire, vous savez très bien de quoi il retourne, les déficiences mentales de nos amis divers et variés, mais surtout de gauche. Hein. Alors, premier sujet, mais non des moindres, Gabon, une bretonne, une militante bretonne humanitaire, et ses deux filles visiblement métisses, ont été assassinés par leur mari gabonais par le mari. Oui, autant le mari gabonais dans les marges de la ville de Libreville, la capitale du pays. Hein. Alors, permettez-moi de vous présenter l'affaire parce qu'il faut quand même que nos auditeurs soient un petit peu au courant des détails de cette affaire. Je cite la presse. Hein. Je vais pas faire trop long, mais enfin, faut quand même être un petit peu son sujet. Alors, une femme âgée de 35 ans, originaire de la ville d'Enbon, donc Enbon c'est dans le Morbihan en Bretagne, près de Lorient, est décédée dans des suites d'un drame familial qui s'est déroulé au Gabon. La mère de famille et ses deux filles, Océane 12 ans et Cassandra 6 ans, ont été tuées début août dans des conditions qui restent à éclaircir, entre guillemets. Selon certaines informations, elles auraient été victimes de coups de couteau assénés par le mari, aujourd'hui en fuite. Alors je continue cet article, hein, parce que ça vaut le coup. Depuis une dizaine d'années, Blandine Reales, âgée de 35 ans, avait fait le choix de vie, je cite toujours la presse, hein, de s'installer dans le pays où elle était très impliquée dans le secteur humanitaire. Elle y avait même été, je cite entre guillemets, littéralement, fermez les guillemets, adoptée par son village de Brousse, situé à environ 500 km de Libreville. Blandine Reales était la fille de Julien Reales, un Mbonte bien connu pour être particulièrement investi dans la vie associative de sa ville, où il participe au conseil de quartier. C'est également une des chevilles ouvrières d'associations comme Incroyable Comestible ou encore celle des jardins familiaux de Malachap. Donc en fait, c'était un gauchiste militant de la ville d'Enbon, donc dans le Morbihan, quoi. Alors, voilà, donc le sujet, je pense qu'il est pas mal introduit. Donc c'est une fille de gauchiste de la ville d'Enbon, qui est un repère de communistes, en fait, pour ceux qui ne savent pas, qui est partie vivre en Afrique, voilà, pour sauver la veuve et l'orphelin africain, qui s'est mariée avec le ressortissant d'une tribu locale, hein, visiblement, et qui a fini donc sous les coups de couteau de son cher époux. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire? Ouais, vas-y pour. Il me semble évident que tout ça est une conséquence de l'esclavage, hein, voilà. Ouais, j'y ai pensé aussi. Hein. Petite aparté, je note qu'elle s'appelle Reales, hein, notre cher ami. Tu as dit que donc Enbon était un repère de communistes. Ah oui, ça grouille, oui. C'est encore une fois l'occasion de rappeler l'apport de l'immigration espagnole. Au caca idéologique français, hein. Ils sont. Alors, vas-y, explique ça. Pourquoi Reales, c'est un nom espagnol? Ben, Reales, ça sent pas la Bretagne, hein, excuse-moi, mais bon. Non, je confirme, oui, ça sent. Voilà, ça sent les, je sais pas, si c'est les Asturies ou autre, mais bref. Toute cette pourriture antifranquiste qui s'est principalement installée dans le sud-ouest. Et bon, mais là, malheureusement, il y en a eu qui sont allés jusqu'en Bretagne. Ils n'ont pas eu peur du climat, hein, putain. Ouais, ils ont pas eu peur du climat. Ils ont peur de rien. Ils ont fait surtout pas de la suppuration ethnique. Ça leur plaît. Donc là, on a un beau spécimen, quoi. Un beau spécimen. Donc l'espagnol rouge installé en terre socialiste. Terre colonisée par les socialistes en Bretagne et qui finit limite en viande de brousse aux alentours de Libreville. Donc c'est cannibalisé. Ça fait quand même un très beau tableau. Moi je suis j'en ai presque la larme à l'œil. C'est très beau. Moi non, je dirais que d'un côté en fait voilà, on a ce rouleau compresseur médiatique qui fait la promotion du métissage. Et de l'autre côté, bah, il y a la réalité, voilà, sur laquelle, bah, voilà, toutes ces belles idées du métissage se fracassent la tronche. Et donc, ça fait contrepoids. Je trouve que ce genre d'histoire devrait être, elle aussi, malheureusement, elle ne va pas être médiatisée par nos médias généralistes. Mais je crois que c'est véritablement le contrepoids qui pourrait permettre de faire comprendre à nos enfants que le métissage c'est pas toujours génial, qu'il y a quelques petits dégâts collatéraux ou beaucoup de dégâts collatéraux, puisque en règle générale ça se termine toujours mal, alors souvent avec des coups, souvent avec une grosse déception et puis quelquefois dans le sang, donc je pense que c'est aussi un message qui renvoie à la réalité en fait du métissage interculturel et interracial. Ouais, et puis alors, cette... Est-ce que... Ouais, vas-y. Vas-y, ouais. Non, j'allais dire juste... on en a parlé déjà dans les émissions précédentes, mais c'est l'amour du bon sauvage, quoi. Mais là, il faut forcer de constater que dans le bon sauvage, il y a surtout sauvage, quoi. Hein. Et quand il y a sauvage, tu as, comment ils s'appellent, Philistin, parce qu'ils ont toujours des noms assez marrants. Donc on va l'appeler Philistin qui tue La gauchiste blanche, quoi. La gauchiste venue en mode les bras ouverts, le monde est une terre d'accueil pour tout le monde, enfin bref, voilà. Et avec les deux gosses, et ça a fini en brochette. Bravo. Ah, c'est ça. Les bras ouverts, il n'y avait pas que les bras qui étaient ouverts, si j'ai bien compris. Mais, exactement, ouais. Ah oui, non, là, visiblement, ouais. Et puis, c'est aussi un homme, bon, africain, certes, donc excusable, mais un homme qui tue trois femmes, hein, dont deux filles et sa femme. Donc là, les féministes, on les entend pas. Bon, mais comme il est évident que c'est la faute du patriarcat blanc, pas la peine de s'étendre là-dessus. Hein. Ouais, c'est... Ah, moi, j'ai envie de m'étendre. Alors, pardonnez-moi, j'ai envie de m'étendre. Fulbert, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire que le bon sauvage qui s'est réfugié, on ne sait pas très bien où... Il y a des chances qu'il va revenir faire son marché chez les blanches en nègre en Europe sous forme du migrant. Il y a des chances. C'est possible parce que le mec est en fuite. Hein. Donc, ben voilà. les options sont ouvertes. Ça peut être un réfugié politique. S'il risque la peine de mort chez lui, il peut rentrer dans la case des réfugiés politiques en France. Hein. C'est tout à fait possible. Ah non, c'est pas qu'il peut. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il rentre. Et pourquoi il n'irait pas s'installer dans le village là? Haine machin. Bonne question. Moi, je suis... Ah, Haine bon. Tant qu'à faire. Oui, le pardon. Faut pas oublier le pardon. Je veux rentrer dans un truc. Alors, c'est une gauchiste bretonne. Hein. Alors, le gauchisme en Bretagne, mais surtout le gauchisme humanitaire en Bretagne. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez quelque chose à en dire de ça? Tout à l'heure, on parlait de... Pardon, très rapidement, on parlait de... Est-ce que c'est un cliché? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est partout pareil? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Ah, il y a des foyers très nets. Il y a par exemple le centre Bretagne, qui est un foyer particulièrement fécond. Et justement, on parle par ailleurs de la situation sanitaire à Calais, mais il faut savoir aussi que la tuberculose revient, pas tellement sous l'influence des migrants, semble-t-il, mais revient en centre Bretagne plutôt par les négligences de nos amis altermondialistes et autres, autres joyeusetés. Attends, là on change de sujet, ça, c'est... Dieu sait que ça m'intéresserait, mais... moi, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est vrai ce mythe du gauchisme breton? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, non, mais c'est totalement vrai. Hein. Je veux dire, les gauchistes bretons, c'est une réalité. Alors, on pourra en discuter pendant des heures. D'où est-ce que ça vient? Je pense qu'il faut remonter aux racines à la fois très catholiques, chrétiennes, mais également un petit peu matriarcales, puisque les femmes ont un pouvoir assez important en Bretagne, mais c'est juste surréaliste. Des gauchistes, il y en a partout, des gauchistes à dreadlock en France, tu en vois dans tous les centres-villes, mais je pense qu'en Bretagne, il y a un mythe. Alors, d'où est-ce que ça vient, ça? Je suis pas ethnologue, ni spécialiste de la Bretagne, donc je ne pourrais dire d'où ça vient exactement. On va peut-être chercher du côté des Jacques et des Jacques. Moi, j'ai un avis sur le sujet, en fait. En général, hein, d'abord c'est souvent féminin, pas tout le temps, mais souvent féminin. Vous savez, la connasse, excusez-moi d'être vulgaire, mais bon, la connasse qui veut sauver le tiers-monde, quoi. En gros, hein. Parce que c'est vrai, comme vous le constatez tous les jours, la démographie, vous savez, on va toujours sauver les espèces en voie de disparition. Donc ça, c'est positif, vous voyez. C'est un petit peu le décalque, quoi, au plan humain, de ce qu'on essaye de faire au plan écologique. Et donc c'est très connu en fait effectivement que la race africaine est en voie d'extinction, hein, c'est vraiment une race qui démographiquement va très très mal quand même, hein, et alors que la race blanche va très très bien. Et ça, c'est une race, on sait même plus comment la contrôler, quoi. Et donc c'est des gens, vous voyez, c'est des gens, ils prennent un billet d'avion et ils vont en Afrique parce qu'ils sont au bord de l'extinction, donc il faut aller les sauver, il faut leur foutre la cuillère dans la bouche pour leur foutre pour essayer de les sauver de, comment dirais-je, de la famine, etc. Bon, voici donc nos gauchistes, et moi je propose une explication, sur un ton un peu plus sérieux. Moi je pense qu'on a affaire à des psychopathes. Psychopathes, c'est un terme qui est un peu utilisé un peu au tout venant, et il faut le définir très, très clairement. Alors, je cite une source médicale, les psychopathes ne ressentent rien pour les autres, mais seulement pour eux. Toute émotion est ramenée à eux de n'importe quelle façon. Les autres ne sont que des objets qui servent à assouvir leurs envies. Ce problème d'absence d'empathie explique pourquoi ils n'ont aucune morale, aucune morale et donc aucune limite à faire du mal à autrui physiquement et moralement. Ça, c'est la définition du psychopathe. Et je pense que nous avons affaire à... moi, je l'ai souvent utilisé, ce terme-là, je vais continuer à l'utiliser, c'est la psychopathie gauchiste. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ne s'inscrivent pas dans un cadre social, qui détestent la société, non pas parce qu'elle est comme ci ou comme ça, mais parce qu'ils sont incapables de le faire. Et en fait, ils vont chercher en fait à légitimer leur comportement antisociaux en flattant des marges. Alors ça peut être des marges, vous avez des SDF, mais bon, les SDF, j'ai rien contre les SDF, hein, mais ça peut être ça, en les valorisant, ça c'est la forme la plus bénigne, avec des clans d'eau, de plus en plus, ça vous l'avez vu. Et alors la forme radicalisée, c'est-à-dire que je vais carrément à l'étranger, j'idéalise en fait la société tribale, en fait, où il n'y a pas de rapport hiérarchique, etc. Je vais me projeter là-dedans et en fait, je me valorise parce que c'est ça, c'est profondément narcissique comme démarche. Parce que les autres, j'en ai rien à foutre. Hein. Psychopathe, on a rien à foutre des autres. Je me valorise. Mon débat à moi, c'est de me valoriser. Et je vais chez les nègres, en fait, essayer de sauver la veuve ou l'orphelin symboliquement. Et voilà. J'ai l'impression qu'on a vraiment affaire à des cas sociaux au sens strict. Et que j'allais dire, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est quelque chose de très profond. C'est très enraciné dans nos sociétés. Cette détestation de nos sociétés, ce fantasme, cette idéalisation des sociétés qui sont extérieures, étrangères, ou de l'étranger en général ou du marginal. Et pour moi, ça révèle quelque chose de profondément antisocial. C'est dans les villes communistes qui ont été communistes pendant des dizaines d'années en tout cas, tu as souvent le sentiment général du tiers-mondisme. Hein. Tu as le tiers-mondisme qui est très présent et qui fait que l'étranger est un gentil qui est oppressé par le méchant blanc. Ouais. Donc quand tu grandis là-dedans pendant des dizaines d'années, tu en viens à idéaliser le métèque, en l'occurrence le gabonais, l'africain, hein, le nègre, et donc pour être gentil il faut aller sauver les négros, hein, jusqu'à aller en Afrique. Oui, parce que c'est une fille visiblement de communiste, où tu vois, les mecs t'expliquent qu'ils sont dans le truc jardin communautaire, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, on abolit la propriété privée, tu vois. En fait, il y a ce fantasme du retour à la tribu, quoi. Ouais, c'est ça. On retourne à la tribu. Et le en socialisme fait, originel. Voilà, le socialisme originel. Voilà, on parlait du mythe du bon sauvage, c'est exactement ça, c'est-à-dire, on va essayer de rechercher un type de société qui existait quelque part, je veux dire, durant la préhistoire. On va aller en quête de ça. Sauf que les parents de cette victime l'ont fait à Hennebon, localement, je veux dire, un peu comme des vieux hippies, voilà. Et elle a poussé la logique jusqu'au bout. A raison, logiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu vas aller chez les peuples archaïques, incompétents et incapables de quoi que ce soit, tu vas chez les nègres, hein, c'est clair. Enfin, je veux dire, si tu veux vivre dans une tribu, tu vas en Afrique, quoi. Oh, c'est ce qu'elle a fait, et s'est fait planter. Ouais, c'est inadapté à la société moderne, et à la fantasmée communisme original, comme dirait... Francis Cousin et tous les marxistes. Ah oui, Francis Cousin, c'est pas le type qui veut nous emmener quelque part à 500 km de Libreville, quelque part? Dans la communauté de l'être, voilà, et dans l'être et non pas dans la voix. Oui, dans la voix, oui, c'est ça, oui. Se dégager des luttes de classe. Hein, voilà, donc c'est le capitalisme. C'est le capitalisme qui a créé la misère, qui a créé les inégalités entre les personnes, qui a créé la compétition. Donc forcément, il faut être à la recherche d'un endroit préservé, originel, etc. Et là, elle semble avoir trouvé son... Non, mais attends, et c'est ce qu'a dit Derrick, c'est le mythe du bon sauvage. C'est un truc, c'était discrédité il y a 300 ans, il y a 3 siècles que c'est cramé ce truc-là. Et on a moi, des gogoles... Je suis assez d'accord avec l'analyse de Gandalf et même des autres, c'est que pour atteindre un tel degré de dégénérescence et d'ethnomasochisme, il faut forcément une éducation qui ait favorisé cet état d'esprit. Donc voilà, ce sont des gens, ils sont tellement désorientés par une éducation de taré que forcément il en découle des conséquences et ils ne voient absolument pas le monde tel qu'il est, et ils arrivent au stade, voilà, d'aller dans une tribu au fin fond de l'Afrique où elle a dû se faire assassiner par son mari parce qu'un sorcier a dû lui dire que c'est voilà, que c'était la salle blanche et qu'il fallait qu'il tue sa femme et ses deux gamins ou un truc, je ne sais pas quel truc sordide, et voilà, on en arrive là. Mais c'est tout un processus, à mon avis, mental qui a été inculqué à cette pauvre fille parce que, voilà, on est dans cette sorte de société et c'est la même sorte de manipulation mentale qu'on essaie de faire à la plupart des Français, à la plupart des enfants français, quand on voit comment la propagande télévisuelle quotidienne qu'il peut y avoir sur le métissage, sur les bienfaits de l'immigration, sur le fait qu'on est tous pareils, sur le fait qu'il faut surtout pas valoriser sa propre identité, qu'on est responsable de tous les maux du monde depuis des centaines d'années, voire des millénaires. Donc voilà, on arrive, l'aboutissement, en fait, c'est cette pauvre fille d'Enbon, cette pauvre nana qui a été embrigadée par son père. Mais il faut savoir que les enfants de communistes ou de gauchistes terminent souvent très mal. C'est quelque chose qui est assez régulier. Voilà, ils terminent complètement camés, ils terminent voilà, au fond du trou à crever dans un caniveau la gueule ouverte, ou ils terminent massacrés par leurs compagnons africains. Enfin, c'est quelque chose qui est voilà, presque logique, un aboutissement en fait d'une éducation qui est complètement qui va à l'encontre de toutes les valeurs que les hommes se sont transmis pendant des siècles et des siècles. Donc forcément, on arrive à la fin, c'est-à-dire à la mort, soit à la mort que la personne se provoque elle-même, ou alors de par son comportement, ou en allant dans des zones dangereuses, ou dans des situations dangereuses. La finalité, parce que moi, c'est ce que je pose toujours comme question, c'est quoi le but de l'immigration, ou c'est quoi le but du métissage? Il faut poser la question en ces termes-là, parce que ces gens-là nous expliquent en fait que... Parce qu'en fait, les gauchistes ont remplacé la lutte des classes par la lutte des races. Ce qu'ils n'admettront jamais, mais ce qui est un fait. Mais en inversé, en lecture inversée, c'est-à-dire qu'il faut abolir la race blanche, qui est intrinsèquement capitaliste, dans leur esprit taré, et donc, pour l'abolir, il faut la métisser. Parce que on métisse jamais les nègres, hein. On métisse toujours les blancs. Hein. C'est pas les arabes qu'on métisse, c'est les blancs. Donc il faut métisser les blancs jusqu'à extermination totale, tu vois, de ces gens dont j'ai parlé, qui sont des gens antisociaux et avec des pulsions suicidaires, et en fait ils vont au bout. Mais en fait, parlons concrètement, c'est vers quoi quand Sarkozy nous dit il faut se métisser, parce que Sarkozy là qui va revenir en piste là, il nous dit il faut se métisser, c'est obligatoire, c'est extraordinaire, le métissage formel. Non mais métisser, ça veut dire quoi? Se mélanger avec quoi? Non, des Gabonais. Se métisser, c'est intéressant. Non, simplement sur le Gabon, intéressons-nous aux Gabonais. Tu vas te mélanger avec des Gabonais, d'accord, ok. C'est quoi le QI moyen du Gabonais? 64. Le QI moyen de l'Européen, c'est 100. 36% de différence. On va se mélanger avec des dégénérés qui seraient classifiés comme débiles légers. C'est ça qu'on va faire? Ils ont peut-être un projet de société, ça. Des centimètres très bien placés. Alors je sais non, pas. Mais non mais. Alors c'est pas du pourcentage, quoi, je veux dire. C'est pas forcément du pourcentage, c'est des points, hein. C'est un indice, le QI, mais c'est vrai que l'écart est quand même l'écart est quand même énorme. Mais oui, le communisme, la logique du communisme mène à la négrification. La négrification mène à la mort, puisque de toute manière, les Africains, sans tout ce qui est apport de science, de technologie européenne, voilà, c'est mortalité ouais. Infantile, mort dès la première maladie, voilà, c'est la mort. Hein. Au final, c'est ça. Il faut maudire la colonisation pour les effets négatifs qu'elle a eu sur la race blanche. Hein. N'oublions jamais. Oui, oui, oui. Alors, oui. Deuxième sujet. Alors, deuxième sujet. On change complètement. Alors, j'ai trouvé ça formidable. En termes d'autisme, j'ai trouvé ça très, très bon. Avignon, donc la capitale des papes, hein, messieurs, hein, si vous n'êtes pas au courant. La marche du foulard aura bien lieu. Attendez, accrochez-vous. Hein. Alors, c'est une marche qui est organisée, en fait, par des islamistes, tout se passe bien, avec pour mot d'ordre, nous sommes des musulmans, pas des lâches, alors debout l'islam. Bon, le programme est donné. Alors, je cite, entre autres citations, hein, je cite, « Le temps de la pleurniche et de l'hypocrisie est terminé. Maintenant, on se lève et on fait face aux islamophobes. » Bon, les islamophobes, c'est tous ceux qui sont pas musulmans, il faut comprendre un petit peu, il faut lire entre les lignes. Alors, ça aura lieu donc ça devait avoir lieu aujourd'hui, le 3 septembre, et ça a été autorisé par, par la préfecture du secteur. Alors, entre autres choses, je vais vous citer un petit peu le ton, hein. Si nous ne résistons pas, c'est que nous n'avons pas la foi, donc en l'islam. Alors fais ton choix, la dignité ou la lâcheté. Et donc le rendez-vous était donné à côté de la gare de Lyon. Réponse du préfet. On pourrait se dire, état d'urgence, appel ouvert à manifester de la part de salafistes ou d'islamistes en tout cas, pour faire pression sur la question du burkini que vous connaissez tous. On pourrait se dire, les autorités vont faire face et vont interdire. Pensez donc. Réponse du préfet. Nous allons arriver à une solution qui devrait lui permettre, lui c'est l'organisateur, de manifester tout en garantissant la sécurité des participants et la réduction maximale du risque de troubles à l'ordre public. Ça c'est la réaction du préfet, Bernard González. Putain, je sais pas pourquoi, Véric, il y a que des mecs du Portugal, d'Espagne, c'est marrant. Il y a quelque chose. Je sais pas. Mais enfin, visiblement, les manifestations islamistes en plein état d'urgence, en pleine polémique avec des islamistes, après des dizaines de morts, des centaines de morts, ça se passe bien. J'ose imaginer la réaction de ces mêmes préfets si jamais des néo-nazis avaient tué des centaines de personnes dans un contexte complètement différent. Je ne suis pas sûr, par exemple, que l'amicale de Robert Bazayac aurait pu défiler tranquillement dans les rues d'Avignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, mais c'est même pas la peine d'aller dans des cas aussi extrêmes. Quand tu as ne serait-ce qu'une manifestation pour dire bon, ouais, les migrants, c'est bien gentil, mais on n'en veut pas trop, c'est systématiquement annulé. Hein. Partout en France, c'est systématiquement annulé. Oui, comme à Calais. À Calais, il y avait eu le bloc identitaire connu. Hein. Les mecs étaient 20, ils étaient, je crois, à côté d'un pont. Alors, dans le contexte dont on va parler, d'ailleurs, dans la deuxième partie de l'émission, hein, avec tout ce qui s'y passe, quoi. On a eu 20 mecs, les images sont disponibles sur Google. J'invite ceux qui nous écoutent à regarder, bloc identitaire, manifestation Calais. Il y a 20 types, ils protestent contre l'immigration clandestine, donc en fait contre des gens qui violent la loi. On leur envoie les CRS, ils sont savatés, mais comme pas permis, arrêtés, balancés dans les trucs. Ils sont condamnés à de la prison. Ça, c'est en France. Et dans le même temps, des islamistes, des filles, etc. Bah oui, mais vous comprenez, les libertés publiques. Quelqu'un veut dire réagir. Moi, je veux des réactions. La quasi-totalité des manifestations organisées par des nationalistes ou des patriotes français sont interdites avec, on brandit évidemment l'état d'urgence. Suite aux attentats islamistes, donc pour interdire toutes manifestations de résistance nationale ou patriotique ou de dénonciation de l'islamisation de la France. Donc tout est interdit au nom de l'état d'urgence, au nom du risque de trouble à l'ordre public, quand ça concerne évidemment des gens qui proposeraient une solution alternative au fait de se beurrer l'arrêt, d'ouvrir son cul à l'immigration-invasion et au terrorisme. Donc là, évidemment, on arrive à trouver des compromis apparemment quand il s'agit d'une marche du foulard. Donc c'est absolument hallucinant, cet esprit de collaboration. Remarquez, il ne devrait pas normalement y avoir lors de cette marche d'attentat, si j'ai bien compris. Donc c'est vrai que d'un autre côté, dans le cadre de l'état d'urgence, une marche de maghrébins islamiques ne devrait pas être frappée par un attentat. Ce devrait être un endroit où on est à peu près sûr qu'il n'y aura pas d'attentat. Donc peut-être que le préfet réagit de cette façon-là. Absolument, ça se passe à Lyon, hein. C'est dans la région de Lyon. Et on sait qu'à Lyon, les nationalistes sont partiellement frappés. Nos amis de l'œuvre française ont régulièrement été réprimés, notamment pour des manifestations totalement pacifiques, ont été interdits d'expression. Et on voit que d'autres ont le droit de s'exprimer totalement librement. Hein. Marche du foulard, extraordinaire. Moi, j'ai trouvé que ça m'a. Enfin, soit ça fascinant. Je remarque quand même qu'une fois de plus, malheureusement, la République a choisi son camp, c'est-à-dire combattre de toutes les façons possibles les blancs et défendre les halogènes agressifs. Donc vraiment, c'est voilà, la République, c'est le parti de l'étranger, ça a été dit, et je crois que ça se concrétise de façon visible aujourd'hui, très très visible. Oui, absolument. En plus, le ton de la manifestation est connu. Je vous cite un autre extrait. C'est, si nous ne résistons pas, c'est que nous n'avons pas la foi. Alors fais ton choix, la dignité ou la lâcheté. C'est une manifestation qui est ouvertement islamiste. Vous voyez, c'est pas un truc de chialerie, genre oui la discrimination, nous immigrés, je sais pas quoi. Tu vois, c'est un truc, c'est religieux. c'est politico-religieux, c'est du truc de combat. Et c'est parfaitement validé. Donc, je sais pas, enfin, si, je sais, mais ouais. Bon. Oui, c'est marqué dans leur tract, combien de lois, d'humiliation et de mépris devant nous taire. Donc, effectivement, le but du jeu, hein, c'est d'obtenir, puisqu'ils viennent d'en obtenir déjà, encore plus d'accommodement à l'islam en France, notamment à l'islam politique. Comme chacun sait, l'islam étant violemment combattu en France, stigmatisé, et par l'État en premier lieu, évidemment. Ouais, c'est puis il y a un truc qui est pas compliqué à comprendre avec les islamistes. Ils sont dans un rapport de force. Si tu avances, ils reculent. Si tu recules, ils avancent. C'est pas compliqué à comprendre. Faut s'en tenir à des principes simples. Faut être inflexible quant à eux. Tout simplement. Il y a une continuité totale entre le discours gouvernemental ou le discours médiatique et le discours de ce genre d'association. Ils disent il faut se lever contre les islamophobes. Alors quelqu'un qui est phobique, c'est quelqu'un qui a peur. Donc c'est des gens qui ont peur de l'islam. Alors ils disent justement ce serait de la lâcheté de ne pas se dresser contre les gens qui ont peur. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc là c'est n'importe quoi. On parlait tout à l'heure des aspects psychiatriques des gauchistes, des tiers-mondistes, etc. Là où c'est aussi un élément de langage qui relève de la psychiatrie, mais on pourrait leur retourner le compliment. Est-ce que c'est pour ça que dès qu'il y a un musulman qui égorge quelqu'un, qui poignarde quelqu'un, ou que ce soit, hein, criant la Wakbar, hein, souvent, est-ce que c'est pour ça que ces gens-là sont des déséquilibrés? Je ne sais pas. Y aurait-il un lien entre tout ça, peut-être? Oh, ne faisons pas d'amalgame! Oui, non, évidons les amalgames, ne mélangeons pas tout. Enfin bon, je trouvais ça extraordinaire. Bon voilà, la France, état d'urgence, voilà, les gauchistes sèment le chaos, tout se passe bien, les islamistes peuvent manifester, et quand vous êtes 20, vous faites une manifestation, et on vous bouge. Extraordinaire. Et à Avignon, il y a des choses sympathiques de cet ordre-là, quand il y avait eu une montée un petit peu du Front National à certaines élections, il y avait eu celui qui dirige le Festival d'Avignon qui avait dit, qui avait menacé d'interdire les manifestations des festivals, en l'occurrence, comme si le festival lui appartenait. Bah oui, non, je me rappelle ça. Effectivement, bah oui, mais c'est un cultureux de gauche. D'ailleurs, à mon avis, il n'y a pas dû avoir beaucoup de choix parce qu'ils ont reçu un coup de pression depuis Paris, parce que c'est quand même c'est Paris transporté à Avignon. Enfin bref, peu importe. On aura probablement l'occasion de reparler de la culture parisienne une autre fois. Sujet numéro 3 de cette rubrique autisme radical. Alors bon, c'est de l'autisme, hein, donc il n'y a pas de quoi être étonné. Je vous donne le titre. Le commissaire de Champigny assume sa défense des valeurs de l'Occident. Bon, ça, c'est vachement bien. Vous voyez, ça donne envie. Vous voyez, tout d'un coup, on se dit, ah là, des policiers qui font leur boulot. Oui, mais non. Je vais vous donner le détail, le pourquoi du comment. Alors, d'abord, je vous citerai le contenu d'une lettre qu'effectivement ce commissaire a écrit, et je l'en félicite d'ailleurs, à un de ses agents qui a verbalisé une femme voilée alors que ce n'était pas permis par la loi. Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance pour votre action, laquelle s'inscrit dans la lutte contre tous les phénomènes de communautarisme qui s'inscrivent délibérément hors des fondements de la République française. Je vous encourage vivement à poursuivre dans cette voie, la seule permettant de sauvegarder les valeurs de l'Occident. Alors, donc, ces mots s'adressent donc à un agent, comme je l'ai dit, qui a été félicité. Et alors là, tout d'un coup, tombereau d'injures, tombereau de protestations, parce qu'évidemment, le maire communiste n'a pas gobé le terme « valeur de l'Occident ». Et là, je vais vous le citer. Le maire de Champigny, communiste, Dominique Adenau, a quant à lui dénoncé les propos inacceptables, je cite, du commissaire. Les valeurs de l'Occident ne sont pas celles de la République française. Et le rôle de la police est d'appliquer la loi, pas de la commenter. Le commissaire en question a été vertement repris par sa direction, suite à ses propos, qui l'ont en gros vraiment qui l'ont dénoncé. et qui ont dit qu'il est inacceptable d'avoir un commissaire qui puisse se faire valoir, se prévaloir des valeurs de l'Occident. Alors, figurez-vous le tableau, encore une fois, le contexte, des attentats en série, un militantisme musulman qui n'est plus à démontrer ni à expliciter, un commissaire qui applique la loi et qui dit, en toute logique, à un agent, je vous félicite d'avoir défendu nos valeurs, réaction de l'autorité ministérielle et de la crapule communiste qui gère le secteur. En gros, vous êtes un salaud, vous n'avez pas à défendre les valeurs de l'Occident. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec la gauchiste, quoi, les valeurs de l'Occident. L'Occident, déjà, c'est un gros mot. C'est une insulte, c'est une injure. Se réclamer de l'Occident, déjà, c'est être déviant au niveau idéologique. Donc, je donne pas cher de la peau de ce commissaire. Hein. Voilà, encore une fois, on marche sur la tête, tout va bien. Ouais, on est dans un parfait exemple d'ethnomasochisme, voilà. Voilà, valeur d'Occident, alors, ah, mon Dieu, quel terme horrible, ah, voilà, c'est la France. Ouais, enfin, la neutralité idéologique des commissaires de police, c'est juste une farce, parce qu'ils sont à très grande majorité des francs-maçons. Et c'est un milieu qui est de plus en plus infesté. D'ailleurs, le recrutement est assez intéressant parce que maintenant, ce sont majoritairement des jeunes femmes qui accèdent au poste de commissaire. C'est très intéressant. Je crois que le dernier concours, on est quasiment à trois quarts de gonzesses, dont des beurettes. Hein. On est mort. Comme les magistrats, c'est pareil. Magistrat, prof. Journaliste. Donc en fait, tous les trucs de fonctionnaires, quoi. Tous les trucs de fonctionnaires, c'est ça que ça veut dire. Et assimilé. Donc en fait, tous les trucs de fonctionnaires vont être peuplés, en fait, de beurettes rageuses, à semi-émancipées, donc qui détestent les hommes, et en même temps qui veulent défendre leur grand frère, ou leur petit frère. En gros, c'est ça dans quoi on va se situer. Parce que ces gens-là appliquent la solidarité raciale, comme jamais, quoi, comme nous, on n'oserait même pas l'appliquer. Non, en plus, eux, c'est revendiqué, etc. Non, mais c'est complètement hallucinant de voir des gens pareils accéder à de telles positions. On sait très bien comment ça va se terminer. Et alors, imaginez le mot valeur de l'Occident. Je sais pas, c'est pas un pamphlet du Parti National Socialiste. Les valeurs de l'Occident, qu'est-ce qu'on défend? Je sais pas, quoi. Je veux dire, plaçons-nous un tant soit peu dans le sillage des gouvernants actuels, de cette autorité, on va dire, en termes de valeurs. Bon, ils nous parlent de laïcité ou on va dire de sécularisation. On nous parle de valeurs de la République, mais on sait toujours pas ce que c'est. Oui, non, mais certainement, mais élargissons, on va dire, bon, on défend soi-disant le droit des femmes, le féminisme, machin, tout ça. Bon, tout un certain nombre de valeurs, ce qu'ils appellent des valeurs, quoi. C'est certainement pas des valeurs qu'on va retrouver au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Orient, quoi, soyons clairs. Et en fait, ce sont des gens qui nous expliquent qu'on va résister au programme politique de l'islam radical, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein. Ce sont des gens qui poussent, qui militent, qui combattent et qui font pression, notamment contre un certain nombre d'agents de police qui doivent réagir. Et quand quelqu'un dit quand un commissaire sort du rang et dit effectivement je vous félicite d'avoir fait votre boulot, vous avez des enculés de communisme, enfin ceux-là ce sont des traîtres, c'est dans leur ADN, hein. Et vous avez des responsables de la hiérarchie policière qui sortent du rang et qui disent c'est inacceptable de parler de la défense de l'Occident, mais vous allez défendre quoi alors? Il dit, oui, mais nous on défend la République française. Mais c'est quoi la République française? Je sais pas, assis sur des notions, des valeurs, des principes. Il n'y a pas un ordre constitutionnel, il n'y a pas une philosophie derrière. Je sais pas, je pose la question. Je m'inscris même pas en dehors d'elle, je dis simplement de ce qui existe, de la constitution en place. Elle s'assit bien sur des valeurs, il n'y a pas une constitution qui assise sur rien, ça veut rien dire. Et on a ces fils de pute de communistes, enfin. Ça me fait plaisir, ça doit bien, ça, fils de pute de communiste. Faut répéter, quand même, tous les jours. C'est incroyable de voir ces gens vous expliquez benoîtement que l'ordre politique ne repose sur aucune valeur, sur aucune norme philosophique, alors que ces gens-là sont les mêmes qui vous diront que ceci ou cela est inacceptable. Et là, on a devant nos yeux l'acte de la trahison dans ce qu'elle a de plus, éclatante, hein. Mais moi, je le digère pas, alors bon, je sais pas ce que vous en pensez, bon, certains d'entre vous ont pu s'exprimer, mais moi, je trouve que un commissaire qui dit, qui félicite un de ses agents pour dire, vous avez défendu les valeurs de l'Occident, moi, je trouve que ce commissaire-là, il gagne une cognée. C'est mon sentiment. Non mais enfin ça manque hein, parce que je peux autant vous dire que les fonctionnaires qui vont sortir du rang pour défendre un petit peu le pour défendre eux, vous savez, autre chose que sa position. Il y a ça aussi, vous voyez, c'est que il y a souvent l'attitude qui consiste à dire bon, j'arrive à 8h, je repars à 17 quoi. Et là vous avez quelqu'un, vous voyez, qui prend le temps d'écrire une lettre pour féliciter un agent, pour dire voilà, vous avez fait quelque chose qui est moralement positif, c'est ce qu'il fallait faire. Et je tenais à vous le dire, je trouve ça beau. Et en fait, le type sort un peu du rang, il fait ça. On lui crache à la gueule, moi je trouve ça insupportable. Enfin, bon. Alors, il faut savoir qu'au sein du fonctionnariat, il y a aussi des gens qui pensent bien. Sauf que bon, pour beaucoup, ils n'osent pas l'affirmer de manière publique. Donc là, voilà, il a juste, ce commissaire a fait une erreur dans le cadre du terrorisme idéologique qui règne dans la fonction publique et dans la société française en général. Mais il faut savoir que, tous les fonctionnaires ne sont pas des communistes et des gauchistes. Il y en a un certain nombre, même relativement important, qui feront très bien leur boulot au cas où il y aurait un gouvernement nationaliste, hein, il faut le savoir. Mais c'est rarement en fait un terreau révolutionnaire. On trouve beaucoup de gens qui s'y planquent de telle façon à avoir la paye à la fin du mois et surtout ne pas faire de vagues. Donc il faut pas attendre du fonctionnariat comme de la police, comme même de l'armée, en particulier des gradés, attendre le moindre début de fumée révolutionnaire ou de rébellion. Ils vont se rebeller à la fin, au dernier moment, mais il faut savoir qu'au sein de ces institutions, il existe quand même un certain nombre de personnes qui souhaiteraient un changement radical, mais qui d'eux-mêmes ne feront rien. Non, mais je suis d'accord avec toi, t'as raison. Tous les fonctionnaires, c'est pas comme ça, bien sûr. Mais bon, il y a de l'attentisme, quoi. Alors, plus tu vas dans la hiérarchie, de toute façon, moi, il y en a, forcément. Ah oui, non, mais ça, alors, par contre, ça, sur les, oui. Sur les hiérarques, il y aurait de quoi dire. On en reviendra, d'ailleurs, certainement. Rubrique numéro 2, que j'intitule Remove Kebab, enlevons le kebab, hein, enlevons le kebab de nos sociétés. Et je crois qu'on va, malheureusement, être de plus en plus, contraints de parler de la Turquie, des Turcs, d'Erdogan, de nos amis frères musulmans turcs. Angela Merkel, que vous connaissez forcément, hein, chancelière connue pour avoir en gros détruit l'Allemagne avec sa politique migratoire complètement folle, probablement d'ailleurs détruit Calais indirectement de la même façon. Eh bien, cette femme-là, elle a les yeux de chimène pour notre ami le sultan, hein, de la sublime porte, hein, le résident d'Ankara, celui qui contrôle encore Istanbul. J'ai nommé évidemment Recep Tayyip Erdogan, le grand mamamouchi turc. Alors, formidable, ce monsieur. Eh bien, en fait, j'ai envie de dire. Il est même capable de tenir les États-Unis. Il tient les Russes, les États-Unis, la France. Il tient tout le monde. C'est extraordinaire, même les Allemands, parce qu'il est dans une position de pivot, une position stratégique. Effectivement, il a la haute main sur tous les flux migratoires, dans un sens comme dans un autre, parce qu'on lui doit quand même tout l'influx de djihadistes européens vers la Syrie. Et inversement, ce qui a été corroboré par le roi de Jordanie, c'est Erdogan est quelqu'un qui a appuyé le djihadisme et qui a appuyé l'État islamique, ce qui a été amplement documenté. Et alors ce monsieur, ce brave homme, soudainement, à la faveur de cette crise migratoire, devient quelqu'un de très courtisé. Et alors, Madame Angela Merkel, hein, pour revenir en Allemagne, qui est très pointilleuse sur les questions mémorielles, a trouvé qu'en fait, quand il s'agissait de la Turquie et du génocide arménien, eh ben, il fallait pas être trop regardant parce que la Turquie avait gueulé, hein. La Turquie a dit, les autorités turques ont dit qu'il était inacceptable que l'Allemagne, que le gouvernement allemand reconnaisse le génocide arménien et y associe un régime de loi qui condamnerait toute négation. Suivez mon regard, et là on arrive sur le génocide du génocide des juifs. Eh bien, le gouvernement turc a protesté. Eh ben, Angela Merkel s'exécute. Formidable. Non contraignant. Pas de loi contraignante à toute négation du génocide arménien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, non seulement sur les relations entre Merkel et le grand sultan Erdogan, et sur cette question mémoriale très particulière du génocide arménien? En fait, il y a déjà quelque chose un peu bizarre, enfin pas bizarre, mais en fait, Angela Merkel baisse sa culotte, si je puis dire, effectivement, face à Erdogan, parce que ce n'est pas réellement elle qui a reconnu le génocide arménien, c'est le Bundestag, hein, donc le Parlement. Et là, en prenant la position que tu as décrite, elle a carrément désavoué le Bundestag. Le Bundestag, finalement, c'est la représentation du peuple, hein, ce sont les représentants du peuple. Donc Angela Merkel, une fois de plus, rejette le peuple allemand pour donner raison à un quelconque pouvoir étranger. Alors, petit historique, cette résolution donc du Bundestag condamnant le génocide, enfin reconnaissant le génocide des Arméniens, ça a eu lieu il y a quelques mois, hein, donc en juin de cette année. Et donc effectivement, dès ce moment-là, tu avais les officiels turcs qui sont rentrés dans une colère noire. Tu as eu même quelques députés d'extrême gauche allemands d'origine turque qui ont voté pour la reconnaissance du génocide et qui sont menacés de mort, quoi. En gros, les mecs, ils vivent comme Salman Rushdie, quoi. Hein. ouais. Voilà, ils peuvent plus dormir chez eux. Il faut qu'ils changent tout le temps de coin, sinon ils risquent d'être, voilà. Donc voilà, c'est juste pour poser l'ambiance. Et donc là-dessus arrive Maman Angela, qui après avoir ouvert les portes de l'Allemagne et même de l'Europe, hein, que tu en parlais très justement, hein, sur la situation à Calais, l'en est grandement responsable. Hein. Et voilà, qui se fout totalement de ce qu'a pu faire le Parlement. Elle veut du métèque. Hein, il y a du métèque, et puis qu'il soit satisfait, satisfait parce qu'il n'y a pas de remboursement, donc le métèque doit être satisfait. Ça aurait pu rentrer dans l'autisme radical, tellement c'est fou. Hein. Alors moi j'ai envie d'en rajouter une couche sur cette immonde truie d'Angela Merkel, qui probablement un jour sera jugée à Nuremberg, je veux l'espérer. 21 octobre 2015, article de Libération, voici ce que ça dit, le titre, Shoah, après les propos de Benjamin Netanyahou qui avait remis en question la responsabilité d'Adolf Hitler sur le génocide juif, Merkel rappelle le rôle de l'Allemagne. Donc en fait, quand le premier ministre israélien relativise la responsabilité d'Adolf Hitler dans le génocide des juifs, Angela Merkel, premier ministre de l'Allemagne, le rappelle alors en lui disant: vous avez mal compris, nous sommes véritablement responsables. Donc, en fait, elle est plus royaliste que le roi. Extraordinaire. Et donc, elle s'était répandue dans des propos, ou alors elle se battait la coupe, ou elle expliquait, mais comment vous osez le dire, etc. Nous, les Allemands, nous sommes vraiment les pires des crapules, hein, nous avons tué tout le monde, nous sommes des salauds, quoi. Et alors, cette femme très courageuse, hein, moralement extraordinaire, donc, entre la Shoah et puis l'accueil illimité, donc, immigration illimitée, unlimited, hein, immigration for eternity, hein, pour l'éternité, de tous les bamboulas de la Terre, curieusement, là, face à Erdogan, ça a pas duré 24 heures, tout d'un coup, elle se fait pipi dessus, là, en fait, à tous ces dirigeants démocrates de mes couilles, il suffit juste en fait de leur parler un petit peu franchement et puis ils rentrent dans l'ordre. Hein. J'ai l'impression que c'est pas tellement des braves, hein, ces gens-là. Ouais, non, mais il y a ça. Il y a aussi le fait que les Turcs sont déjà présents depuis plusieurs années en masse en Allemagne, donc au niveau électoral, ça pèse lourd. Ouais, voilà. Donc en fait, moi qui croyais que Angela Merkel et que tous ces démocrates étaient des gens qui étaient attachés tellement aux principes et que notamment l'Holocauste et que c'était intouchable, etc. Genre, visiblement, c'est oui, enfin c'est relatif, c'est soumis à certaines conditions quand même. En tout cas, elle s'accroche au pouvoir, elle veut absolument être réélue, alors que là, il n'y a jamais eu autant de contestations vis-à-vis de sa personne. On sent vraiment la fin de cycle. Hein. Là, elle arrive au bout. Bah, il serait temps quand même. Hein. Ouais, mais elle aura fait son boulot. Elle aura fait ce qu'elle avait à faire. Elle aura bien mérité des loges et des officines mondialistes. Bon, je ne sais pas. Fulbert, dis-nous un truc là-dessus, là. Dis-nous sur cette vermine d'Angela Merkel, aussi veule et aussi rampante, dans certaines situations et aussi haineuse et vindicative dans certaines autres. Bah, déjà, il faut voir d'où elle vient, hein. Je crois qu'on le sait, mais bon, il faut peut-être le dire pour certains. C'est une ancienne fonctionnaire de l'ancienne Allemagne de l'Est, qui était communiste, la DDR. Il faut savoir aussi que son père, ses parents disons, mais son père précisément, était un pasteur, et que ce pasteur, au moment où un maximum d'Allemands, à l'époque de la fermeture du mur, de la construction de ce fameux mur entre les deux Allemagnes, au lieu de suivre le chemin classique des Allemands qui fouillaient l'Est pour se réfugier en RFA, lui, il a quitté la RFA avec sa femme et sa famille, et il s'est réfugié en Allemagne de l'Est. Donc c'est déjà un communiste convaincu. Ça, c'est une chose. Ça donne déjà un petit peu. Tout à l'heure, certains d'entre nous ont rigolé des républicains anti-espagnols, anti-franquistes, mais c'est exactement la même chose avec Merkel. Hein, c'est une républicaine anti-terrienne, etc., etc. C'est une communiste, quoi. C'est une communiste, bien entendu. Et aujourd'hui, vu la masse de citoyens turcs qui sont installés en Allemagne et qui sont toujours turcs, parce qu'ils n'ont sûrement pas abandonné leur nationalité, on a pu le voir, hein, lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État contre Erdogan, on a vu les soutiens populaires en Allemagne, les soutiens turcs sortir dans les rues de plusieurs villes et manifester en masse avec des drapeaux turcs partout. Parfois, moi, je me demande, hein, cette Merkel est aussi allemande qu'Erdogan. Quelque part, je me demande si elle n'est pas une sorte de vizir de la République fédérale allemande, enfin, de la grande Allemagne actuelle. C'est bien observé, je trouve ça très pertinent. Bon, écoutez, première partie de cette émission très intéressante. Quelqu'un veut conclure sur l'immonde Merkel? Enfin, moi, je tarirai jamais d'insultes sur cette femme. Je pense qu'elle aura la place dans l'histoire, dans très peu de temps, la place qu'a Adolf Hitler actuellement. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais Dieu sait que je pense qu'il y aura des choses à revoir. Voilà. Personnellement, j'espère qu'elle va se prendre une grosse branlée aux élections régionales. Là, il y a, je crois, deux élections dans deux Länder. J'espère qu'elle va se prendre une bonne grosse branlée. Mais c'est vrai que Merkel est absolument immonde. L'Europe qui se couche, le mondialisme incarné, la promotion de l'immigration invasion. Mais regardez en France, à chaque fois, à chaque président de la République, on se dit on pourra pas avoir pire. Quand on a eu Mitterrand, après quand on a eu Chirac, on se dit c'est pas possible. On a eu Sarkozy, on a eu Hollande, et à chaque fois ils ont réussi à faire pire. Donc à mon avis, derrière Merkel, ce sera tout à fait possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui fasse encore pire, qui aille encore plus loin dans des domaines où on pense avoir touché le fond. Donc voilà, je pense qu'on n'est jamais déçu avec les agents du mondialisme. C'est pas faux. Ouais, c'est tellement vrai ça. Bon, eh bien, chers amis, première partie de l'émission enrichissante. Et deuxième partie qui le sera, vous allez le voir, encore plus. Et c'est parti pour une pause musicale. Toi mon petit copain, tu passes un parisien, tu n'oses plus prendre le RER. à cause de ces larcins que le monde et TF1 ont inventé pour faire peur à ton père. Moi, le gentil malien, je n'y suis pour rien. Je ne suis pas méchant, tu le sais bien. Si tu me fais la gueule, je vais rester tout seul. Tu vas rater toute ma diversité. Moi, le gentil malien, je n'y comprends rien. Pourquoi tout ce fracas, ce cinéma? Pour quelques agressions, de viol en réunion. Allez, sois chouette et file-moi ton blouson. Toi, la petite française, tu n'es plus à ton aise, tu n'oses plus comme l'année dernière. Emprunter le métro, tu préfères ton vélo, ou tu te fais conduire par ta mère. Moi, le gentil malien, je n'y suis pour rien, je ne suis pas méchant, tu le sais bien. Si tu me fais la gueule, je vais rester tout seul. Tu vas rater toute ma diversité. Moi, le gentil malien, je n'y suis pour rien. C'est toi qui m'as donné l'été dernier ma carte d'identité, un goût de liberté. Tu m'avais promis de m'apprendre le français. Wow, wow, wow, wow. Que je suis triste. Oh, triste, triste, triste. Il faut vous mélanger, vous n'allez pas rester comme des crabes cachés dans vos repères. Comme des fachos à voter pour Sarko en attendant de nous jeter à la mer. Moi, le gentil malien, je n'y comprends rien. Je veux savoir pourquoi vous m'aimez pas. Je couche avec vos sœurs, elles aiment les blacks, les beurs. Vous feriez mieux d'être plus chaleureux. Moi, le gentil malien, je n'ai peur de rien. Surtout pas des infos, ma sensation. Rangez dans vos cartons vos discriminations. Je rentrerai jamais à la maison. Oh, ce serait triste. Oh, triste, triste, triste. Ce serait triste. Oh, triste, triste, triste. Donc, deuxième partie de notre émission numéro 11 de démocratie participative, et le sujet de la semaine, le débat de la semaine, va être consacré à Calais. Calais, une ville martyre, on peut le dire, ville martyre de l'immigration sauvage, de l'invasion migratoire que connaît l'Europe, et qui est un goulot d'étranglement de ce flux massif qui essaye de rejoindre l'Angleterre. Alors, en plus de nos participants, on a aujourd'hui K3 qui est avec nous, qui est un habitant de Calais et qui connaît très bien la situation et avec lequel on va pouvoir discuter dans le moindre détail de cette crise que connaît Calais maintenant depuis 2 ans, on peut dire, voire plus. Hein, je suis pas exactement au courant des dates, on va dire. On va pouvoir y revenir. Est-ce que quelqu'un veut entamer le sujet d'entrée de jeu, parce que évidemment, moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Enfin, des façons d'approcher ce débat, mais est-ce que quelqu'un veut lancer en forme d'introduction un avis, une impression sur ce qui se passe actuellement à Calais, sur l'emballement, parce qu'il y a vraiment une forme d'emballement. Hein. Ah, moi, je crois qu'il faut surtout être attentif à ce qui se passe à Calais, parce que c'est ce qui risque de se passer dans pas mal de villes françaises. Calais, en fait, est devenu un symbole parce qu'il y en a pas mal qui veulent passer en Angleterre. Il y en a aussi beaucoup qui se retrouvent là, en fait, en attendant d'être régularisés, en attendant finalement de vouloir rester en France. Donc je pense qu'avec l'afflux de migrants, comme on a pu voir là depuis le début de la semaine, il y en a je sais plus combien de milliers, voire de dizaines de milliers qui sont arrivés parce qu'ils faisaient apparemment un temps meilleur pour la traversée, qui sont arrivés en Italie. Tous ces gens-là vont se retrouver en Europe, donc une bonne partie aussi en France. Et c'est des situations comme Calais, ça va se répéter un peu partout en France. Et donc, en fait, le pourrissement de la situation à Calais, la capacité du gouvernement socialiste, comme aussi du précédent, à appliquer la loi, c'est-à-dire à renvoyer tous ces parasites chez eux, fait qu'il est tout à fait possible que d'ici quelques années, on ait 10, 15, 20 Calais un peu partout en France, avec des gens qui voudront pas forcément aller en Angleterre, mais voilà, qui seront parqués là et qui la ville deviendra une ville pas dire fantôme, mais presque dans le sens où voilà, il est très difficile maintenant de sortir chez soi, ne serait-ce que d'aller faire ses courses ou d'aller à la piscine à Calais, puisque on est au contact de toute cette diversité que aucun Français n'a voulu, enfin à part quelques dégénérés, nos gouvernants. Mais c'est évident que je pense que si on faisait un référendum demain au niveau national ou même au niveau local, on atteindrait des scores staliniens demandant l'expulsion de ces gens. Donc voilà, c'est faut être très attentif à ce qui se passe dans cette ville qui, comme la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, aussi au niveau de l'immigration, on va dire, dite légale, est devenue un symbole de l'invasion. Oui, il faut préciser, et je pense qu'un certain nombre de Français sont maintenant un peu plus sensibilisés à cette question, parce que faut être honnête, hein, la nature humaine est ce qu'elle est, et finalement, quand on n'a pas de problème dans son voisinage immédiat, on en a un peu rien à faire hein, de ce qui se passe, même dans le département d'à côté, dans la région d'à côté, pour ne pas parler de l'autre bout de l'Hexagone, ou même au-delà. Et depuis que le gouvernement socialiste a dit qu'il allait essayer d'évacuer, de régler la solution, enfin régler le problème de Calais, il a commencé à ventiler hein, une partie de cette immigration clandestine dans tous les départements de France. Et les gens commençaient à découvrir que fleurissait à côté chez eux dans leur commune. Moi, j'ai plein d'exemples de gens qui sont venus me le confier. Effectivement, fleurissaient des centres de rétention. Alors, au début, de petite taille, hein, quelques dizaines de personnes. Mais, comme tu l'as bien dit, Calais a probablement et même très certainement commencé avec quelques dizaines d'individus et ensuite a pris la dimension qu'on lui connaît. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose en forme d'introduction, hein, parce qu'après, on va vraiment rentrer dans le détail. C'est un sujet sur lequel on va vraiment rentrer dans le pourquoi du comment. Argyle parlait d'incapacité du gouvernement. Je pense que c'est surtout une absence de volonté politique. Ces mecs-là ne veulent pas toucher à au moindre poil de barbe des barbus qui s'entassent à Calais. C'est tout simplement là le problème. Ah oui, bien sûr, c'est de la castration mentale, on est d'accord. Quand on veut taper sur les gens, qu'on veut les gazer, il n'y a pas de problème. On l'a vu à la Manif pour tous, on a même gazé des poussettes, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas une incapacité, c'est une absence de volonté. Ah oui, d'accord. C'est le dogme de l'immigration qu'il ne faut absolument pas transgresser. Donc là, c'est certain que et mettre le doigt dans l'engrenage serait assez terrible pour eux, mais c'est certain que oui, quand l'État veut être répressif, il peut l'être. Hein. On a vu gazer des catholiques qui ont pourtant été 1 million dans la rue, ça ne les a pas gênés, voire provoquer des incidents, infiltrer la manif pour tous. On voit qu'ils ont été tout à fait capables d'essayer de faire dégénérer des manifestations et d'être très très répressifs vis-à-vis de gens qui ne faisaient que manifester pour les droits de la famille. Donc il serait tout à fait possible d'employer cette même répression à l'égard des clandestins. Bien sûr, ils n'hésitent pas d'ailleurs à traîner des prêtres, des diacres au sol seulement une semaine après l'égorgement, la décapitation du paramel en Normandie. Hein, ça ne les dérange pas. En tout cas, alors, les autorités locales, je parle de la grosse maire de Calais, m'a l'air quand même particulièrement dépassé par les événements. Je ne sais pas si K3 peut nous en dire plus, mais j'ai quand même l'impression qu'elle est vraiment perdue. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir son discours qui a changé au fur et à mesure de ces deux dernières années. Elle parlait de richesse incroyable des migrants, et là, elle en appelle carrément à l'armée. Et ouais, on va y revenir. On va, des y revenir milices, on va en parler dans le détail. Alors, cette semaine, officiellement, selon le syndicat de police Alliance, on est passé à 10 000 clandestins d'origine essentiellement africaine et orientale dans ce site de la jungle, qui est un immense camp de tentes ou bidonville, chacun le qualifiera comme il voudra. Et ça s'entasse à l'entrée de la ville de Calais. Avec nous, K3, un habitant. Hein, K3, bienvenue dans notre émission. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans cette ville de Calais. Alors, 10 000 officiellement migrants à Calais. Toi, quel est ton avis et peux-tu nous dire quelque chose sur cette progression du nombre? Est-ce que tu as une idée, je veux dire, de la période sur laquelle ça s'étale et si ça s'intensifie plus ces derniers mois ou non, c'est le même rythme depuis le début. Et voilà, c'est un nouveau seuil franchi, mais il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à ce qui s'est passé, on va dire l'année passée ou les deux dernières années passées. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que 10 000, c'est le chiffre officiel, donc diffusé par les autorités et le gouvernement. Calais, je pense que nous avons beaucoup plus que 10 000 migrants. Pour moi, je les estime entre 12 000 et 13 000, puisque 10 000, quand on parle de 10 000, si on regarde bien dans les détails, on parle uniquement de la jungle. Sauf que les clandestins ne sont pas tous à la jungle, en fait. Et donc au début de l'année, si on écoute les médias, ils étaient 6 000. Et donc là, vers la fin d'année, ils seraient passés à 10 000. Ils ne sont pas tous localisés dans le même endroit. Alors il y a d'autres endroits. Quels seraient ces endroits? Bah, ils sont un peu partout. Ils ont notamment créé des camps tout autour de la rocade portuaire, donc qui ne font pas partie de la jungle. Mais ils sont aussi dans le centre-ville de Calais, puisqu'ils continuent à squatter. La municipalité n'en parle pas, mais ils sont bel et bien en fait dans la ville, quoi. Et alors, là, une question un petit peu plus large, est-ce que c'est uniquement sur Calais ou est-ce que ça s'étend à tout le département, par exemple, hein? La plus grosse concentration de clandestins, c'est à Calais, forcément, puisque nous sommes proches de l'Angleterre, mais sinon, il y en a aussi à Dunkerque et dans les campagnes calaisiennes. Et donc, ces gens, outre le fait qu'ils se concentrent dans la fameuse jungle, dans ce camp immense... à Calais, est-ce que on a des phénomènes, j'allais dire, de transhumance humaine avec des groupes qui errent ici et là dans les alentours de la ville de Calais ou dans le département? Ah, ils sont absolument partout dans la ville. Des fois, on les voit par groupe de 2 ou 300. Ils vont à l'assaut du port ou à l'assaut du centre-ville. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, ils agressent les Calaisiens, donc notamment les Calaisiens dans leur voiture ou qui rentrent du travail, qui vont chercher leurs gosses à l'école, juste pour montrer au gouvernement qu'ils ne sont pas contents d'être là. Sauf qu'à Calais, nous n'avons pas demandé la présence de ces gens, quoi. Donc, oui, parce qu'il faut quand même se replacer dans le truc, parce que la plupart des gens qui nous écoutent ne vivent pas à Calais, bien évidemment, et ne ont du mal à se figurer la situation. Donc en fait, au quotidien, la présence des migrants, c'est quoi quand on est calaisien? Quelle forme ça revêt? C'est l'horreur, c'est un cauchemar. Ils sont partout, ils dégueulassent la ville, ils agressent les gens. On a même eu certains cas de viol. Enfin, on a vraiment tout à Calais. Et ils déambulent, on les voit tous les jours, on peut pas y échapper. Tous les jours, vous pouvez pas vous y échapper. Vous sortez de l'autoroute, vous arrivez à Calais, vous verrez forcément des clandestins. S'ils ne sont pas armés, c'est qu'ils sont par groupe de 200 et qu'ils provoquent la police, ils vont caillasser les pompiers qui viennent secourir quelques blessés et puis ils vont aussi à la... Donc c'est des groupes, hein, on parle carrément de meutes, hein, c'est des meutes. Ah ouais, c'est même plus des groupes. Est-ce que c'est... composite. Alors, est-ce qu'ils sont ensemble par type? Alors, est-ce qu'il y aura que des Africains entre eux, des Afghans entre eux, ou est-ce que non, c'est complètement hétéroclite, ils se rassemblent comme ils peuvent et ensuite ils vont aller viser C'est hétéroclite et il n'y a pas que des clandestins d'ailleurs, il y a aussi des activistes d'extrême gauche, donc oui. C'est ce qu'on appelle les no-borders, quoi, ceux qui prennent un monde sans frontières. Donc ceux-ci les aident et puis il y a aussi quelques communistes, hein, de Calais que je reconnais parce que je les connais un peu. Il y a des élus locaux qui soutiennent ces gens-là? Absolument pas, mais de par leur inaction, je pense qu'ils les soutiennent indirectement. Hein. D'accord. Il y a aussi les magasins, je crois que c'est assez sympa. Il y a le Lidl, oui. Où il y a constamment 200 migrants africains en permanence dehors et dedans. Oui, donc il n'y a plus un blanc qui va faire ses courses là-dedans. Et je crois qu'il y a d'autres magasins, en fait, ils vont en meute ou ils restent devant. Et je crois que c'est très agréable pour les Calaisiens qui veulent faire leurs courses. Sauf que le directeur de Lidl, contre toute attente, il soutient les clandestins. Il a dit que ça posait pas problème si les Calaisiens ne voulaient pas aller dans son magasin, n'y allaient pas, et puis c'est tout. Et une autre victime aussi en termes de commerce, c'est Leader Price. Là, on voit aussi pas mal, une bonne centaine à chaque fois de clandestins devant le magasin. Donc pareil, des fois ils agressent les gens, des fois ils rentrent, ils volent dans le magasin, etc. Puis, toutes sortes de troubles, hein, de toute façon. C'est... D'accord. Il y a également des magasins qui ferment à Calais, parce que quand vous voyez un groupe de 20 clandestins devant, par exemple, une boulangerie, vous êtes avec votre femme et votre gosse, vous n'avez pas forcément envie d'entrer dans cette boulangerie, et du coup, ben, c'est une perte immense de clients, quoi. Alors, il y a des témoignages de personnes qui sont en charge en fait de la sécurité sur le réseau routier notamment. Là, j'ai un exemple, j'ai une interview ici d'un certain monsieur Xavier Delebar, qui est en charge du réseau routier Nord, qui détaille les nuits à Calais et qui explique en fait que chaque nuit il y a 25-30 barrages sur les routes autour de Calais pour comment dirais-je, pour stopper le trafic. Est-ce que tu peux nous en parler plus de ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, pour bloquer par exemple une autoroute, ils vont se mettre au milieu de l'autoroute. Donc forcément, les gens s'arrêtent et ne vont pas aller les écraser pour ensuite être emmerdés avec la justice. Donc ils vont mettre un tronc d'arbre au milieu de la route avec plein de branches et tout ce qu'ils peuvent mettre de facilement inflammable. Et puis ils vont faire une barricade enflammée en fait, ce qui arrête totalement la circulation. C'est quoi le but de cette manœuvre? Bah, le but est notamment de bloquer la circulation. Et du coup, comme tous les poids lourds sont à l'arrêt, ils peuvent se permettre d'entrer dans les camions. C'est le but principal. Quelqu'un veut réagir là-dessus, sur ces méthodes Je crois qu'il y a une vidéo là, qui a été tournée par la télévision anglaise, la BBC, si je ne me trompe pas, très récemment, qui montre ça. Il y a les clandestins donc, qui foutent un arbre au milieu de l'autoroute et qui arrivent, qui menacent le chauffeur au niveau du camion. Le mec essaie de reculer, il y a un autre camion qui arrive. Bon, finalement, les types se sont barrés. Ça ressemble au coupeur de route que tu peux trouver en Afrique, quoi. Oui, c'est ça, exactement. On en arrive à être un pays du tiers monde. Enfin, en tout cas, la zone de Calais, ça y ressemble fortement, quoi. Hein. Le zone du tiers monde en guerre. Oui. Alors, il y a des vidéos je vous invite à regarder. J'invite ceux qui nous écoutent à regarder effectivement ces vidéos où on a des chauffeurs poids lourds et autres. Même des policiers d'ailleurs, hein, qui sont sur ces rocades, sur ces routes, et soudainement il y a des bandes, enfin on voit des bandes d'afro-musulmans hystériques sur les côtés, et parfois ils franchissent, parfois ils alpaguent, parfois ils coupent, et alors c'est toujours extraordinaire. Là j'ai envie de faire un petit détour par ça parce que ça m'a paru utile. Quand on parle de Calais, évidemment, la plupart des gens qui nous écoutent, et comme vous et moi d'ailleurs, on en a pris connaissance par les médias exclusivement. À part les gens qui vivent sur place, ce sont des choses que nous avons découvertes par médias interposés. Or, il y a un traitement particulier de cette situation sur Calais. Et là, je voulais en parler avec notre ami K3, parce que et d'ailleurs, ça fait peut-être un peu le lien sur la façon dont a été traitée l'élection régionale, d'ailleurs, dans le nord de la France, parce que il y a quand même eu des journaux qui ont pris position de façon militante contre le Front National. Chacun est libre de voter ce qu'il veut, d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est pas le problème, mais on a quand même une presse qui se prévaut d'une certaine objectivité, qui a fait œuvre de militantisme contre le Front National. Et puis, pareil, sur la question des migrants, il y a un certain point de vue. K3, est-ce que tu peux nous parler, justement, de ces journalistes qui parlent au quotidien dans la presse régionale de la situation à Calais et de leur engagement politique? Ouais, bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les deux principaux médias qui règnent dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est La Voix du Nord, c'est un journal régional, mais aussi Le Nord Littoral, qui est un journal un peu plus local pour le Calaisie. En fait, ces deux journaux font partie du même groupe, c'est le groupe La Voix, en fait, qui diffuse des journaux un petit peu partout dans la région. Et donc, pour prendre l'exemple du Nord Littoral, qui est le journal donc du Calaisie, qui diffuse ses journaux à Calais, ils ont embauché pas mal de No Borders. Donc, c'est des extrémistes de gauche, on peut d'ailleurs les retrouver sur Facebook, puisqu'ils signent leur article. C'est comme ça qu'on voit que ce sont des No Borders et que bah, forcément, ils prennent parti. C'est une bonne idée, donc... on va pouvoir faire des listes. Ouais, donc tu dis que donc parmi les journalistes qui écrivent dans Nord Littoral au sujet de la situation de Calais, en fait, il y a les militants d'extrême gauche qui organisent le passage des clandestins vers l'Angleterre. En fait, donc en gros, il n'y a pas du tout de distance absolument rien. C'est la même chose, c'est les No Borders. Et la presse régionale, c'est la même chose. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, c'est le même journal qui ne diffuse jamais les agressions de... Quand un clandestin agresse un Calaisien, ce ne sera jamais diffusé. Mais si un Calaisien se défend face à un clandestin, ce sera diffusé en disant qu'il y a un excès de racisme et tout à Calais. Enfin, voilà. J'ai une question. Que fait la police, en fait, par rapport aux agressions, aux viols que subissent les Calaisiens? que fait la police quand 200 mecs avec des bouts de bâton, des barres de fer débarquent dans la ville? Justement, la police est impuissante, parce que je parle à quelques policiers de Calais, ils le disent, ils n'ont pas les ordres d'intervenir en fait, et même s'ils ont un ordre d'intervenir, ils n'ont absolument pas le droit d'embarquer les clandestins, puisque de toute façon, même si un clandestin est embarqué, il sera immédiatement relâché, hein, parce que la justice, et aussi ils n'ont pas les moyens, parce que pour repousser plusieurs assauts de 200 personnes sur différents endroits de la ville, c'est un peu compliqué, sachant que Calais, à la base, c'est pas une très grosse ville non plus. Je veux dire, on n'est pas à Paris ou Marseille où il y a un policier à chaque coin de rue, quoi. Donc faut le dire clairement, vous êtes lâché par la police, quoi. On est lâché par la police et par le gouvernement surtout. Oui, surtout la justice. La justice, c'est ça, parce que dans le truc, c'est qu'en fait la police, c'est pas qu'elle veut pas, c'est que peu importe ce qu'elle fasse, la justice, de toute façon, a décidé de ne jamais recourir à la force. La justice et leur supérieur aussi, parce que ça, il faut le préciser. Oui, oui, c'est ça, effectivement, par le procureur, effectivement. Oui. Donc on disait tout à l'heure, ce qui se passe à Calais, c'est peut-être demain. 10-15 Calais un peu partout en France, sachez-le, braves gens qui nous écoutaient, la police, la justice ne seront pas là pour vous défendre. C'est déjà la situation à Calais. Voilà, c'est ça, c'est très important, parce qu'on a quand même à la télévision constamment tous ces huiles à la con, c'est-à-dire qu'en passant du maire, en passant par le préfet jusqu'au président de la République, via X ministres, on a quand même des gens qui nous expliquent la République, le machin, le truc, et puis en fait au quotidien, quand tu vis comme à Calais, tu te rends compte en fait que t'es livré aux bêtes sauvages, que ta gamine, ton gamin peut être massacré au coin de la rue, il se passera jamais rien parce que tu sais qu'il va rien se passer, parce qu'il faudrait faire des études génétiques, de machin, de trucs, et puis les types sont dans la nature, t'y arrives pas. Donc en réalité, c'est la fin de l'État. C'est la fin de l'État, quoi. Et les gens le vivent là-bas et personne n'en parle. On est vraiment dans une situation complètement ubuesque. Tu as dit, K3, que la ville perdait des habitants. Alors là, je pense que c'est un crucial. Il faudra probablement parler aussi de l'activité économique, c'est-à-dire des commerces qui ferment aussi. Mais parlons de cette démographie, de cette saignée d'habitants que connaît Calais. Bah, Calais, il y a quelques années, c'était encore une ville peuplée d'à peu près 75 000 personnes. Aujourd'hui, donc 2016, on va dire, entre 2013 et 2016, on a perdu pas loin de 5000 habitants. 5000 habitants. Qui fuient la ville parce que vous n'êtes tout simplement pas en sécurité. Personne n'est en sécurité ici. Même si vous appelez la police, elle sera en intervention au port ou sur la rocade en train d'essayer d'éteindre le feu avec les pompiers, par exemple. Et donc, même si vous appelez la police pour une agression X ou Y, elle n'interviendra qu'à peu près trois quarts d'heure après. Tout le monde se rappelle de ces images où, quand il y avait eu une émeute. D'ailleurs, agité par l'extrême gauche trotskiste du parti NPA, si ma mémoire est juste, de Besancenot, l'immonde Besancenot. Il y avait eu un clash avec des habitants de Calais dans un pavillon. Les habitants avaient sorti une arme factice, si ma mémoire est juste, en tout cas non armée, pas chargée. Et en revanche, s'était abattu sur ces personnes un torrent de haine, une pression incroyable. Et on a vu des autorités là qui s'étaient fait fortes de dire nous allons aller traquer ces réflexes inadmissibles. Donc en fait on a des milliers et des milliers de clandestins, d'envahisseurs qui débarroulent dans une ville. La police ne répond plus, la justice s'en lave les mains, la presse milite pour les crapules. Et quand le bon peuple, ici ou là, veut essayer de se défendre, alors là, ils sont sortis de leur domicile, traînant là, foutus en garde à vue, et éventuellement déjà, leur bûcher est dressé en place publique. Ça, c'est surréaliste. Moi, j'avoue que ça m'a quand même... C'est vrai, cette situation. C'est absolument vrai. J'exagère pas, là. Ah oui, c'est absolument ça. Je voudrais revenir sur la perte de 5000 habitants en l'espace de 2 à 3 ans. Je crois que dans une ville de la taille de Calais, il ne doit pas y avoir de précédent statistique de cette ampleur. C'est-à-dire que dans une ville qui n'est pas dans un pays en guerre, je ne pense pas qu'il y ait eu en France l'exode de 5000 habitants en l'espace de 2 à 3 ans sur une ville qui en compte 70 000, mais qui en comptait 75 000. Je crois qu'en fait c'est un exode des Français qui agressés par la colonisation migratoire et qui se sauvent. C'est vraiment la fuite, l'exode, presque l'exode sur les routes, ouais, avec les gens, avec les vélos, les carrioles, ce genre de choses. Ça rappelle un peu 1940, les gens se sauvent. Oui, c'est, il fuit les nègres. Bah clairement oui, parce qu'en plus la plupart ne partent pas uniquement de Calais, ils partent carrément du Calaisie quoi. Ils vont aux environs comme à Boulogne-sur-Mer ou Saint-Omer, Dunkerque, les villes autour quoi. Et j'en connais. Alors on a parlé aussi d'une mort du commerce à Calais. Qu'est-ce qu'il en est? Bah le centre-ville totalement désert. Un gigantesque centre commercial qui a été racheté par la ville aussi pour la somme de 1 euro, donc pour vous dire un peu. La vache, ouais. Donc on n'a plus de commerce qui ouvre, ils ferment tous un par un, que ce soit des coiffeurs, des boulangers, des tabacs, enfin, peu importe, ils ferment tous et c'est prioritaire. Donc le centre de ville d'une agglomération de 75 000 habitants est mort. Le centre ville est mort, oui, clairement. Il n'y a plus. Alors je t'arrête tout de suite, K3. Il y a des commerces qui fleurissent au sein de la jungle et d'ailleurs que le juge, je ne sais plus quel juge, lequel magistrat a refusé de fermer. Voilà. Et par contre, il y a des commerces qui fleurissent. Donc voilà, je t'arrête tout de suite. Il y en a peut-être qui ferment en centre ville, mais il y a des commerces, voilà, qui fleurissent, qui ne payent aucune taxe, hein, qui s'installent à l'africaine. Avec des services proposés, voilà, il doit y avoir des coiffeurs, il y a des coiffeurs, il y a même une boîte de nuit, je crois, dans la jungle, donc voilà, de quoi vous plaignez-vous? Ouais, la jungle, c'est devenu totalement une ville, en fait, c'est une ville dans la ville, il y a des commerces, une boîte de nuit, bon, forcément des habitations, il y a des douches, il y a aussi des petits locaux, là, créés récemment par le gouvernement pour mettre bien au chaud les clandestins, parce qu'à Calais, le temps, c'est un petit peu plus vieux, on va dire. Et quand le gouvernement parle de démanteler la jungle ou une partie de la jungle, quel effet ça a concrètement? Bah, il en parle souvent avant les échéances électorales. Avant ça, on n'en entend pas parler, et puis les clandestins sont des richesses culturelles exceptionnelles qui font un bien fou à la ville. Oui, c'est seulement pendant les élections qu'ils disent qu'ils vont démanteler la jungle. Oui, alors là, on a. Alors moi, j'ai envie de m'intéresser au phénomène en lui-même, c'est-à-dire de cette ville champignon, de ce chancre qui a émergé au bord de Calais, parce que géographiquement, en fait, cette jungle, elle est située où? Ah, cette jungle, elle est entre donc la rocade portuaire, qui ramène directement au port, hein, et une zone industrielle, en fait, la zone industrielle de Calais. Alors, et donc là, prolifère, s'agglomère une population essentiellement africaine, musulmane, ça, oui. Je crois qu'il y a des dizaines de nationalités qui sont représentées, mais entre-temps, le gouvernement a cru bon de créer un centre d'accueil organisé par ses soins. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est effectivement, il y a des tentes qui sont mises en place par le gouvernement, etc.? Oui, vous parlez sans doute du centre Jules Ferry qui a été... Jules Ferry, ils ont appelé ça Jules Ferry, mais non, c'est cocasse. Alors, en fait, avant, c'était un centre aéré pour les petits Calaisiens, donc il s'appelait déjà Jules Ferry, hein, ça c'est pas... Mais le problème, c'est qu'ils l'ont arraché donc aux petits Calaisiens pour le donner aux clandestins. Normalement, ils devaient le donner qu'aux femmes et aux enfants, mais on voit dedans, c'est une majorité d'hommes, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de femmes clandestines à Calais. Moi, ce que je voulais dire, c'est j'avais cru comprendre dans la presse que le gouvernement voulait créer un centre d'accueil de réfugiés, je veux dire, comme... Enfin, digne de l'ONU, vous voyez, dans les grandes crises humanitaires, genre au Rwanda ou en Syrie, vous savez, ils font des grands centres pour réfugiés, et c'est ce qu'ils voulaient faire. Alors, est-ce qu'à Calais, le gouvernement a mis ça en place, vous savez, des grandes lignes de tentes, etc. Non, ils n'ont pas fait ça? Ça, ils l'ont pas mis, non. Ils ont légué le centre Jules Ferry, je vous dis, aux clandestins, pour... À la base, c'était pour apaiser les tensions, pour leur donner un abri et tout, mais ça n'a pas marché, limite, ça fait pire, hein, donc... Donc il y a aucun, le gouvernement n'accueille personne d'aucune façon. C'est-à-dire que même eux, dans leur volonté d'accueillir je ne sais pas quoi, il y a aucune logistique. C'est ça qu'ils nous disent, il n'y a pas de logistique. Déjà, faut voir, hein, quand ils étaient à Paris, les clandestins, ils ont été expulsés en combien de temps? À Calais, ils sont à Calais depuis 2013, on va dire. Ils sont arrivés à Paris, deux semaines après, ils étaient dehors. En fait, il ne faut pas qu'ils touchent à Paris. Paris, c'est sacré, c'est la ville des ministres, la ville du président, il ne faut pas y toucher. Mais Calais, on s'en fout. C'est collé. D'accord. De toute manière, le démantèlement de la jungle n'a aucun intérêt si les 10 ou 12 000 clandestins qui sont dedans ne sont pas renvoyés manu militari. ça va être exactement un coup médiatique comme l'a été le démantèlement de Sangatte par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'après, ils vont aller s'installer ailleurs. Alors peut-être qu'ils ne s'installeront pas à Calais, ils s'installeront juste à côté. Alors les petites villes à côté de Calais, attention à vous au moment du démantèlement de la jungle, ou alors ils vont rester à Calais et ils vont squatter. Mais voilà, il faut savoir que le but du démantèlement de la jungle, c'est pas de les renvoyer. Donc les types vont avoir, la jungle va être détruite, on va avoir les bulldozers, on va avoir ce genre de choses. C'est certain qu'ils vont aller ailleurs. Ils vont aller, il y a une petite ville comme Dieppe aussi qui est en Seine-Maritime, qui commence à y avoir des clandestins. Et il y a des départs aussi en ferry pour l'Angleterre. Bah, peut-être qu'ils vont aller là-bas. Peut-être qu'ils vont aller. Il va y en avoir encore plus à Grande-Synthe. Il va y en avoir encore plus dans les villes à côté. Qui sait, mais de toute façon, ce sera juste repousser le problème. Donc là, d'un point de vue, comme le disait K3, c'est d'un point de vue électoral, au moment des élections, il y aura Cazeneuve, avec à mon avis Valls qui va venir, peut-être même Hollande, avec le démantèlement de la jungle, pour dire, regardez, voilà, on sait être généreux, on sait être ouvert au Parti Socialiste, on est pour l'immigration, mais pas n'importe quoi, et regardez, on démantèle la jungle. Et dans l'esprit des gens, de beaucoup de gens, ça va être, ah bah s'ils démantèlent la jungle, ils seront plus là, ils seront partis. Je pense que ça va être présenté de cette façon-là. Alors qu'ils vont juste se répartir ailleurs, et même dans Calais, il risque d'y avoir encore plus de squats, encore plus de prises de maisons individuelles, d'installations dans des endroits désaffectés. Enfin, voilà, ça va être la même chose ailleurs. Oui, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, la ventilation de négro. Oui, c'est bien formulé. C'est bien formulé. Alors, comment dire, on a eu une mère. Alors, j'ai envie qu'on s'attarde un petit peu sur l'édile de Calais, qui s'appelle Madame Nathalie Bouchard. Natacha. J'ai bon ? Natacha. Natacha. Natacha. Natacha. Autant pour moi. Et alors, cette Natacha Bouchard, au tout début de la crise, il y a 2 ans, on va dire, un petit peu moins, trouvait ça formidable, elle a dit que c'était extraordinaire, comme l'a dit MacDav, hein, qui l'a dit au début, elle a dit c'était génial, c'est extraordinaire, ces gens peuvent être une richesse, je reformule, hein, une richesse extraordinaire, extraordinaire, ouais, c'est du pétrole, on a trouvé du pétrole sous nos pieds, formidable. Et ces derniers jours, la chanson a changé, les élections approchent, et tout d'un coup, allez savoir pourquoi. On est passé de la richesse au Sahel, hein. Il n'y a plus rien, c'est le désert absolu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Quelle est l'action de cet édile, de ce maire qui visiblement a l'air complètement paumé de bout en bout, quoi. Alors, bah, déjà, juste me permets d'intervenir juste avant, c'est qu'entre temps, ce qui s'est passé aussi, c'est que je pense qu'il y a eu quelques hectolitres d'alcool qui ont dû couler dans le gosier de Madame Bouchard, parce que vu sa tronche entre son élection aujourd'hui, je pense, enfin, voilà, elle est boursouflée, elle a des poches sous les yeux, pas besoin d'être expert en addictologie pour voir que il y a, voilà, elle a, à mon avis, elle a bien arrosé son élection municipale et son élection sénatoriale, et voilà, il y a ça aussi qui s'est passé. Bon, ça n'a peut-être pas trop de rapport avec les clandestins, mais ça mérite d'être noté. Moi, je suis pas sûr, parce que c'est peut-être l'amour. Parce que peut-être qu'elle est tombée amoureuse d'un clandestin qui la savate tous les jours. On ne sait pas. Non, mais le syndrome Martine Aubry, c'est très, c'est très plausible. Hein, comme, moi, j'y crois. Hein. Heureusement que Xavier Bertrand est là. Elle préférait les clandestines, hein, Natacha. Et pour moi, elle n'est absolument pas apte à gérer la ville de Calais. Hein. Ah, vas-y, explique-nous. Alors, voilà. Alors, quelle gestion, quelle politique, c'est quoi cette femme, d'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle fait? D'où elle vient, déjà, elle n'est pas née à Calais, elle est née à Saint-Omer. Déjà, ça joue beaucoup. Hein. Mais aussi, Natacha... Comment ça? Non, explique, parce que les gens ne sont pas forcément familiers de ce genre de truc. Pourquoi? À Calais, on a toujours eu des maires nés à Calais. Enfin, un maire de la ville doit être né à la ville pour bien connaître la ville, au moins, minimum. Cette dame est née à Saint-Omer, a vécu toute son enfance à Saint-Omer, son adolescence aussi. Il n'y a que quand elle a commencé à étudier qu'elle a été à Calais. Donc, elle ne connaissait déjà pas beaucoup Calais. Comme un Calaisien pur souche. D'accord. Mais continue. Donc alors, quelle action? Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Déjà, l'action, ça n'existe pas chez elle. Il faut savoir aussi qu'elle a 3 ou 4 mandats en cours, donc elle est députée, maire, elle est conseillère régionale aussi. Elle n'est pas députée, pardon, elle est sénatrice, et elle est présidente du Calaisie. Donc oui, elle a 4 mandats. Alors, je ne sais pas comment elle peut faire pour gérer la ville de Calais. Et donc voilà, en fait, elle est totalement inactive, elle ne bouge pas, elle sort des phrases comme ça, de belles phrases lors des échéances électorales, mais en dehors de tout ça, il n'y a aucune action, en fait. Donc le fameux appel au recours à l'armée, j'ai vu encore pas plus tard qu'hier, ouais, je crois, elle a essayé de faire monter la sauce et moi j'y ai cru, j'ai cru discerner là une manœuvre politique de bas étage où elle a dit en gros oui, voilà un an que j'appelle le gouvernement à sécuriser les abords de la jungle avec l'armée, c'est enfin, baratin. Et en fait, c'est en fait, oui, c'est quelqu'un qui, à part faire, enfin, parce que c'est tout son contraire, parce qu'en fait, c'est un coup, l'immigration, c'est formidable, parce qu'il faut être dans le politiquement correct, faire plaisir à la gauche antiraciste. Et puis le lendemain, on va dire, en gros, il faut déployer l'armée, pourquoi pas des milices, pour contenir la barbarie nègre. Mais l'armée, elle l'a demandé autant donc pour protéger la ville, mais aussi pour protéger les clandestins, parce que les clandestins ont été pendant un moment, bon, c'est passé maintenant, ça se passe plus, mais ils ont été victimes d'agressions ou du moins de représailles. Par, ah, les pauvres choux. Ah, ça me fait pleurer. Oui. Oh, ils vont agresser, ils se refont agresser, et puis l'armée. Ils se sont entretués aussi. Il y a eu un cas de ce qu'on appelle les cas de guerre interethnique. Ah oui, alors voilà, ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup ça. Peux-tu nous parler de la composition ethnique faite par un passage... Attends, Gandalf, juste, je voudrais revenir. Ouais. Mais cette grosse vache imbibée d'alcool, elle a été réélue en 2014. Ouais, elle a été réélue par le peuple calaisien en 2014. Ouais, non, mais là, ça picole beaucoup à Calais. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les candidats qu'on avait, donc c'était soit l'extrême gauche, comme partout, soit la gauche, soit donc la droite ou le Front National. Sauf que le Front National à Calais est géré par une... C'est une vieille peau, elle doit avoir 84 ans, elle n'est absolument pas... niveau physique, elle n'est pas... Enfin voilà, personne n'attribue sa confiance au Front National de Calais, et du coup je pense que c'est pour ça qu'ils ont voté pour l'UMP. Il faudrait peut-être un parti plus solide à Calais. Donc il n'y a pas d'alternative locale, et en fait, c'est vraiment le constat d'un effondrement. Alors cette jungle qui porte son nom, à mon avis, a raison. je sais même pas qui a baptisé qui a trouvé ce nom. Je pense qu'ils l'ont appelé la jungle par rapport à la végétation qu'il y a sur place dans la jungle, en fait, ouais, parce que c'était une zone vraiment, c'est un petit peu marais. Ouais, c'est les Africains qui ont appelé eux-mêmes ça la jungle. Mais c'est pas la jungle, c'est la jungle, hein, parce qu'on francise. Mais... Ouais, voilà, la jungle, c'est là où il y a les animaux sauvages exotiques, donc c'est vrai que c'est ça pourrait être bien. Notamment les singes. Bon, il faut attendre qu'on atteigne la barre des 100 000 et on pourra organiser des safaris avec des prélèvements sur la population locale, etc. Vous voyez, non, mais je sais pas. Moi, je suis un peu dans la prospection touristique, donc je me dis peut-être qu'il y a là quelque chose à gratter pour faire revivre un petit peu l'économie locale. Ceci étant dit, je voulais parler de la composition ethnique de cette ville de 10 000 habitants, de cette ville champignon, de ce chancre infect qui purule aux abords de la ville de Calais. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'Afghans? Est-ce qu'on parle de Soudanais? Est-ce qu'on parle de Congolais? De quoi parle-t-on? Ben absolument toutes les ethnies. Donc on a des Syriens, des Égyptiens, on a même quelques Turcs. Mine de rien, on a quelques Turcs, on a beaucoup d'Afghans. Il y a un petit peu tous les pays d'Afrique et du Maghreb. Peu de Scandinaves. Comment? Pas beaucoup de Scandinaves. Non, pas tellement, non. Et pas beaucoup d'anglais non plus, visiblement. Parce que j'ai dit pas d'anglais, mais non plus maintenant, hein, visiblement. Non, c'est vraiment des Africains, des Arabes, bon, un bon petit mélange. Et c'est une majorité d'hommes? Oui, je dirais à 95% des hommes, et encore. Ah ouais, quand même. 97% d'hommes, au moins. Ah non, il y a quelques putes dans la jungle aussi, et il y a aussi des gamines qui prostituent, je crois. Ouais, mais c'est 3% de putes, ça. C'est... Eh ben, de prendre cher. C'est le progrès. Ouais. Alors, j'ai envie de poser une question. Parce que moi, j'ai vu des reportages là-dessus, je pense qu'on en a vu quelques-uns. Bon, j'ai pas de terme élégant, là. Donc, de ces gens qui volent au secours de l'engeance dont tu parles, qui en fait vous fait vivre un véritable enfer et qui a détruit la ville de Calais. Je parle de ces organisations militantes, secours catholique, secours populaire, diverses structures d'extrême gauche et autres. Qui sont ces gens? Est-ce que vous les apercevez? Toi, en tant qu'habitant, quels sont tes contacts avec eux? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Bon, déjà, moi, je n'ai aucun contact avec ces gens, parce que je peux pas les voir. Hein. Mais sinon, la plupart, bah, même tous, ne sont pas calaisiens. Il n'y a aucun calaisien qui... Enfin, si, quelques... Deux ou trois dégénérés qui vont en aide aux clandestins, mais ça s'arrête là. Ils n'habitent absolument pas à Calais. Donc je pense que j'ai tout dit. Et alors, c'est quoi le profil de ces gens? D'où ils sortent? Parce que visiblement, c'est acharné, hein. C'est des militants acharnés. Quoi. Ah bah soit ils sont français d'extrême gauche, soit ils viennent de pays comme par exemple l'Angleterre ou la Hollande, la Belgique. Mais les no-borders, enfin ouais, les activistes d'extrême gauche qui viennent en aide aux clandestins, ils viennent de tous les pays d'Europe et donc pour la plupart de la Belgique, de la Hollande et de l'Angleterre. Aucun contrôle. Et physiquement, okay. Physiquement, c'est de la caricature, quoi. C'est de la mocheté immonde, sale et velue. Enfin, c'est infâme. Quoi. C'est le même genre de racaille qu'on a eu à Notre-Dame-des-Landes, en fait. Bah, c'est ces mêmes personnes qui ont tagué la statue de Charles de Gaulle à Calais de Nique la France. Quoi. Ah oui. C'est des gens qui niquent la France, hein, mais on s'en fout. C'est que la France. Et on dit souvent qu'ils veulent le passage en Angleterre, alors dans beaucoup de cas, sans doute, qu'ils veulent favoriser le passage en Angleterre, mais j'ai vu aussi qu'ils militaient pour la liberté donc sans frontières et la liberté d'installation aussi, qu'un certain nombre essayaient de persuader des clandestins qu'ils auraient le droit d'asile en France, que s'ils choisissaient de rester en France, ils auraient le droit à plein de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, c'est anarchique, hein. Ils rêvent d'un monde sans frontières, où il n'y aurait pas de pays, ni d'armée. Enfin, c'est même pas imaginable, hein, quoi. C'est pas possible. Je voulais savoir pourquoi l'Angleterre? D'où vient ce tropisme anglais? Déjà, c'est un rêve parce que tout le monde dit que, enfin, c'est un peu vrai, mais au fond, ça reste un rêve parce que tout le monde dit que l'Angleterre, c'est où est-ce qu'il y a du travail, où tout le monde peut travailler comme il veut, etc. Alors que c'est faux. Les Anglais, oui, forcément, c'est une pompe aspirante de l'immigration puisqu'ils incitent les clandestins à venir, notamment de par leurs lois où là-bas, vous n'avez pas besoin de papier pour travailler, par exemple. Ça, je sais pas si vous le saviez. Et donc, c'est pour ça que les clandestins viennent à Calais. En fait, ils sont attirés vers l'Angleterre, mais ils n'y iront pas, puisqu'ils n'ont pas le droit d'entrer en Angleterre. Il faut qu'ils s'effacent ce rêve de la tête. Je crois qu'il y a aussi le fait que, quand tu es demandeur d'asile, tu as des indemnités qui sont beaucoup plus importantes qu'en France. Donc, c'est vrai que nous, on trouve que c'est déjà trop, mais là-bas, c'est encore pire. Quoi. Donc, ah, ça, je sais pas, en Angleterre, les indemnités. T'as la pompe aspirante des allocations, quoi. De toute manière, ces populations, hein, on les connaît, ceux qui sont installés là depuis plusieurs décennies. C'est ça, quoi. C'est des vampires d'allocations. Mais ça, c'est une partie des clandestins qui souhaitent y aller. Une autre partie reste, souhaite devenir français, quoi. Enfin, français. Ah, bah, ils sont en Angleterre, ils peuvent plus être expulsés. C'est ça aussi. C'est ça aussi, ouais. Une fois qu'ils ont mis un pied là-bas, il n'y a pas de système d'expulsion. Ah bah c'est magique ça. Ah j'ignorais totalement. Ah d'accord. Ah pour revenir un peu sur les no-borders, je vois que les Normands, en tapant un peu sur internet leurs convictions, ces gens-là se croient en but au système. Ils estiment que le gouvernement de Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, c'est la dictature nazie ou presque, parce que après tout on bloque des gens à une frontière, on les empêche de passer, donc si on les garde sur le territoire, ça veut dire que bientôt on pourrait les tuer. Donc ces gens-là se pensent des révolutionnaires alors qu'ils sont que les supplétifs du système. Bah, c'est étonnant parce que George Soros, le milliardaire américain qui soutient Clinton, a exactement les mêmes vues, exactement d'ailleurs comme Peter Sutherland, ancien commissaire européen à la concurrence, ancien président de la Banque d'Irlande et par ailleurs ancien responsable de la branche internationale de Goldman Sachs, qui est le représentant maintenant auprès de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU pour les questions de l'immigration, et qui est un fervent tenant d'immigration incontrôlée vers l'Europe. Curieux, hein. Donc, c'est très étonnant, cette extrême gauche-là qui est anti-système, étonnamment, son projet sert les intérêts du grand capital. Allez savoir pourquoi. Un pur hasard. Il y a une question que je voulais poser aussi à notre Calaisien, c'est la situation sanitaire, vu que parmi les apports culturels formidables, il y avait aussi le retour, par exemple, de la tuberculose. Ouais, la tuberculose à Calais, comme tant d'autres maladies que nos chercheurs culturels ramènent de chez eux. Une sorte d'alliance. Il y a sûrement d'autres maladies qui sont inconnues des docteurs européens. Bah, on peut aussi noter quand ils ont été à la piscine, je crois que c'était à la piscine Tournesol à Calais, il y avait eu une épidémie de gale, hein, forcément. Oh non, mais là. Et bientôt le chikungunya. Mais c'est peut-être les no-borders. Non, mais en plus, ils sont autorisés à la piscine, quoi. Ah, alors, la municipalité a demandé l'interdiction, mais ça a été refusé. Non, mais et pourquoi pas faire, je sais pas, mais aussi, rencontre amicale avec des Roms, quoi, dans une piscine. Bah, Calais, ils ont absolument tous les droits. Absolument tous. Ils font ce qu'ils veulent. Tous les droits, comment ça? Non, mais tous les droits, je veux dire, c'est validé légalement ou bien ils font ce qu'ils veulent? Bah, validé, peut-être pas, mais comment dire. En pratique, oui, c'est le cas. En pratique, ils font ce qu'ils veulent. L'immigration normande, tu as l'immigration légale, l'immigration illégale. On avait parlé dans une dernière émission du fait que finalement, voilà, c'était pareil, il n'y avait pas de légalité. Les policiers, ils n'arrêtent pas grand-chose, et même quand ils arrêtent, tu as derrière le juge encarté au Parti socialiste, au Parti communiste, qui va te relâcher tout ça. Donc c'est un état de fait, quoi. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que s'ils veulent bloquer l'autoroute, ils bloquent l'autoroute. S'ils veulent vous agresser dans la rue, ils vous agressent. Pour conclure, on va se projeter dans le futur. Et on va se dire, je disais aujourd'hui, donc la mère, Natacha Bouchard, qui disait, s'il se passe rien dans 6 mois, on en a 15 000. Toi, tu vois ça comment? Est-ce que dans 6 mois, il y en aura 15 000? Est-ce qu'un démantèlement, qui est un faux démantèlement, parce qu'en fait, ça va être la répartition de la lèpre un peu partout sur le territoire français, comme alternative. Mais qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer sur Calais dans les 6 mois, dans l'année qui vient, voire dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent? Pour moi, déjà, l'avenir de Calais est triste. Il est très sombre si on continue comme ça d'ici à peu près 20 ans. Hein, enfin, je dis au pif, il y aura plus de clandestins que de Calaisiens. Parce que si les Calaisiens partent de la ville pour accueillir à chaque fois 10 000 clandestins, il faut pas être bête pour savoir qu'il y aura plus de clandestins que de Calaisiens. Donc l'avenir de la ville, je ne le connais pas et c'est plutôt inquiétant. D'accord. Quelqu'un veut rajouter quelque chose, une observation? Oui, moi j'aurais une question pour K3. C'est, enfin, quel est le comportement des allogènes qui viennent de migrations antérieures, enfin, pour parler clair, des bounous et des nègres? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'il y a jonction entre les deux populations? Est-ce qu'ils vous font de plus en plus chier ou est-ce que ça va finalement rien changer? Ouais, forcément, ils font de plus en plus chier. Mais leur comportement, c'est toujours dans l'agression et dans la provocation du Calaisien. Ou alors aussi des non, touristes mais attends, non, ce qu'il voulait, non, il voulait savoir, excuse-moi d'intervenir, mais il voulait savoir quelle est la réaction des immigrés précédents, c'est-à-dire des Arabes, des Algériens, etc., face à ces nouveaux immigrés. Est-ce qu'il y a un phénomène de solidarité ou bien est-ce que comment ça se passe? Bah, j'habite dans un petit quartier de Calais où la plupart des fils d'immigrés ou des immigrés soutiennent ces gens. Ils les soutiennent, ils sont donc aux côtés des no-borders, etc. Solidarité ethnique. C'est ça. Donc en fait, l'Algérien qui est arrivé là il y a 2 générations, enfin je sais pas, lui tout d'un coup il voit une espèce d'Afghan déboulé de je ne sais où, c'est son frère, ils militent ensemble pour dépasser le système. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est des gens qui se sentent plus maghrébins, africains, etc. que français. D'ailleurs, on se demande est-ce qu'ils font encore ici ces gens. Ce qui en soi est tout à fait normal, hein, puisque ce sont la prédominance ethnique, culturelle et raciale est un fait. Donc en fait, on parle de gens qui ont la nationalité française, qui vivent en France, qui, administrativement parlant, sont installés en France, mais dont l'empathie, la solidarité va prioritairement à des inconnus qui sont clandestinement sur le territoire français, qui viennent d'Afghanistan, de Syrie, du Soudan et que sais-je encore, plutôt que avec le voisin qui est un Français d'origine française, européenne. Est-ce que j'ai bon ou est-ce que je me plante? C'est exactement ça, et en plus ils vont attaquer la France, dire que si ces réfugiés, parce qu'ils les appellent des réfugiés et non pas des clandestins, sont à Calais, c'est à cause des non-bombardements, etc. Ah oui, j'avais oublié. Aux dernières nouvelles, l'Égypte, enfin voilà. Voilà, la colonisation au Soudan, il y a 3000 ans donc. Bon, petite conclusion, là, il y a lundi 29 août, là, donc c'est tout récent, en début de semaine, il y a eu 6500 migrants, hein, avec toutes les guillemets possibles et imaginables, qui ont été secourus par les gardes-côtes italiens en Méditerranée. Alors, je sais pas s'ils sont allés chercher directement au bord de la plage. Moi, j'ai vu la carte. Alors, en fait, il est secouru en Méditerranée à 10 km des côtes libyennes, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, en fait, comme disait un observateur, c'est le ferry gratuit. Oui. Non, mais donc, voilà. Tu prends ton bateau, tu vois, tu vas acheter ton bateau gonflable, machin truc, tu le gonfles, voilà. Tu fais 3 km là au large des côtes et tout. Tiens, salut les gars, on te récupère, hop, on t'amène en Italie à 300 km plus loin. C'est magique, c'est magnifique. Donc en 24 heures, ils en ont pêché 6500 qui vont sûrement ne pas rester en Italie et qui une bonne partie, je pense, vont venir chez toi. Je suis désolé, K3, mais ouais, non mais tu vas en fou, ils étaient en deux ou trois jours, ils étaient, mercredi, c'était déjà 14 000. Hein. Il paraît que c'est un afflux quotidien. Donc, 6 500, c'était lundi. Et mercredi, ils étaient déjà 14 000. Enfin, je dis ça, ça ne va pas changer grand-chose, mais ça fait toujours un petit peu plus. Mais j'aimerais que ouais, un point aussi, c'est que tu comptes parmi eux. On ne sait pas combien de terroristes, par exemple. Parce que les terroristes, il faut le dire, ils sont de là-bas, hein, ils sont pas de chez nous. C'est ouais. Du bonus, c'est que du bonus. Alors, je me rappelle que même alors, l'ignoble Daniel Cohn-Bendit, il avait dit que parmi les... Alors, donc, c'était son estimation à lui, quoi. Donc, que parmi les gentils migrants, il y avait quand même 1 à 2% de terroristes. Donc là, parmi les 10 000, ben, je vous laisse faire le calcul, ça fait déjà pas mal, quoi. Hein. Ça fait du 100 à 200 terroristes facile, quoi. Ouais, donc, il y a sur un million, ça fait rien du tout, ça fait 10 000, c'est quoi ça? Oui, voilà. Bon, c'est une armée, quoi, bon, on s'en fout. Voilà. C'est une petite troupe, ouais. Voilà, bon, puis en plus, t'as qu'avec à habiter au bon endroit, et puis c'est tout. En plus, c'est notre faute, on bombarde leur pays, donc on n'a pas le droit de se défendre. Ouais, il y a quand même le Sénégalais dans la dernière fournée, c'est vrai que le Sénégal subit une guerre et civile et extérieure absolument insupportable en ce moment. Ouais, mais enfin, il y a quand même des terrieurs sénégalais. Faut pas l'oublier, quand même. Ah ouais, ouais. Donc, c'est vrai qu'on a d'être imprescriptif. C'est les effets lointains de la Première Guerre mondiale. Il faut rappeler que, la civilisation, nous a aidés à nous débarrasser de la barbarie nazie aussi. Hein, voilà, faut le rappeler. On a échappé belle, là. Ah ouais. Mais je comprends pas parce qu'ils fuient leur pays en guerre, soi-disant, mais ils viennent la faire ici, hein, puisqu'à Calais, les clandestins s'entretuent. Donc pourquoi fuir la guerre pour la faire ailleurs? Et on peut remercier les pays arabo-musulmans pour leur action, le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui les accueillent à bras ouverts, de même que les flottes libyennes, égyptiennes, etc., qui participent beaucoup au sauvetage aussi de ces gens-là. Et Cuba. On remercie évidemment un petit clin d'œil à Israël, la plus grande démocratie du monde, qui a aussi beaucoup fait pour accueillir ces migrants. Ils ont des programmes très ambitieux dans la matière. Beaucoup de remerciements hein, aujourd'hui. Ah oui. À propos de la pêche aux migrants, il y a une initiative que vous ne connaissez peut-être pas. Ce sont deux ordures allemandes qui s'appellent respectivement Matthäus Malmschmidt et Marcus Iago, qui proposent d'aller carrément chercher les migrants, leur fournir des tickets de voyage en avion, et d'aller carrément les chercher là où ils sont, pour leur éviter les dangers du voyage. Ces deux types ont officiellement lancé une pétition et démarré une organisation qui s'appelle Let's Fly to Europe, donc volons vers l'Europe, qui est enregistrée à Bruxelles, hein, donc sans doute au niveau de l'Union européenne. Et voilà, et ces gens disent voilà, bon bah il faut sauver tous les nègres de la planète, tous les musulmans en mal d'égorgement, et les emmener en Europe. Et ils ont lancé donc une pétition en espérant recueillir 1 million de signatures pour faire valider leurs espoirs. Alors, pour apporter un peu d'eau au moulin de Fulbert, une ONG qui propose justement voilà d'aller chercher des clandestins en avion. Parce qu'ils estiment qu'en fait, ça détruirait toute la mafia des passeurs. C'est-à-dire que si on allait les chercher là-bas à la base et qu'on les faisait venir par avion, bah du coup, il y aurait plus de passeurs pour les faire passer. C'est un peu comme pour qu'il y ait plus de trafic de drogue, autoriser les drogues, ou pour plus qu'il y ait de trafic d'armes, bah, autoriser les armes pour tous. Quoi. C'est la même solution. Pour stopper la pédophilie, ses entrées à l'ONU. Pour stopper la pédophilie, autoriser la pédophilie. Mais par contre. Vos petits messieurs là d'Allemagne, ils retardent parce que la Suède, ça, c'est organisé au plan gouvernemental, hein, faut savoir. La Suède organise des vols depuis les pays du tiers-monde pour organiser le remplacement de la population de la Suède. Hein. Eux, c'est carrément une politique gouvernementale, c'est le gouvernement. Ils vont les chercher. Ils arrivent, en fait, je vous explique comment ça marche. L'ambassade de Suède en X pays de nègres à la con. Il est là, il dit bon voilà, il y a combien de totos là qui sont candidats à venir bourriquer nos femmes. Bon, il y en a, je sais pas, une queue qui arrive, je sais pas, ils sont 300-400. Formidable les gars, vous avez des diplômes? Non, vous parlez anglais? Non, vous êtes con comme des balais? Oui, bon, formidable, vous êtes tous qualifiés. Alors, hop, on organise deux charters, ils déboulent, accès à tous les soins, accès au logement, etc. Et voilà. Et ça, ils le font depuis des années, des années, des années. Eux, ils vont carrément les chercher. C'est pour vous dire jusqu'où ça va. On parlait d'Israël. Israël avait refusé un certain nombre de migrants, comment dire, sahéliens, je ne sais plus quoi, des migrants d'Afrique noire, en disant on peut pas. L'argument était bon parce que c'est la balance démographique. Donc c'était intéressant. Les Israéliens disaient non, mais c'est bon, on va finir négrifiés, quoi. Donc on les refuse. Sur ces entrefaites, alors que on ne sait même pas d'où ils sortaient, quoi, les diplomates suédois sortent du bois, depuis là-bas, leur bled à la con, enfin dans leur forêt au nord de l'Europe, et nous on les prend. C'est-à-dire que les mecs sont sortis de nulle part, ils ont dit, nous on les prend. Et ils ont pris je ne sais plus combien de milliers de cafres, et ils ont embarqué chez eux, et c'est un traitement royal, incroyable. Ah oui, ça va très très loin. Ça va créer des emplois dans la désinfection aussi, dans le côté sanitaire, justement, pour lutter contre ça. Il y aura des femmes de ménage, etc. Ça sera bien. Le seul gagnant dans cette affaire-là, je pense que c'est Dominique Strauss-Kahn. Les autres, je les vois pas, moi. Je sais pas. Bon, sur Calais, je crois qu'on a abordé le sujet longuement, largement. Il y aurait probablement beaucoup à dire, surtout dans les détails. La gestion au quotidien, sur les errements innombrables, évidemment, des politiques, sur les problèmes, les relations aussi très, très douteuses, entre certaines associations, certains médias et certains groupes d'intérêt. Malheureusement, on pourra pas l'aborder aujourd'hui et on manque aussi, évidemment, d'informations, mais on en a quand même parlé, je crois, de façon pertinente. K3, j'ai envie de te donner le mot de la fin, dis-nous ce que tu souhaites pour ta ville. Ah, moi je souhaite que tous ces clandestins s'en aillent. Il faut arrêter de déplacer le problème. Il faut aider le peuple calaisien. On n'en peut plus ici. C'est devenu vraiment invivable. Mais moi, je voulais déménager pendant un moment, mais je me suis quand même dit, je suis chez moi. Enfin, Calais, c'est ma ville. Je vais sûrement pas partir pour ces gens. Et donc, c'est à eux de partir. Et ce serait bien que le gouvernement nous aide, même si je n'y crois pas trop. Merci à toi. K3, faut pas perdre la foi et on y arrivera quoi qu'il arrive. On y arrivera, oui. Merci à tous. Émission enrichissante cette semaine et la semaine prochaine sera peut-être plus enrichissante encore. À bientôt, chers amis.